vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le cours d'aujourd'hui à Assemblage requis. Stéphanie Paradis partage ses plaisirs de la vie étudiante dans les petits bonheurs. Belle Ferron met la langue dans ton oreille pour te faire entendre, oui, de la musique francophone. Et Annabelle Maton a des choses sexy à te dire dans Je t'aime moi non plus. C'est Assemblage requis, ça commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 13 février 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau s'en vient dans quelques secondes. Sinon, maintenant, Jean-Philippe Charbonneau, salut. Salut, ça va? Ça va bien, oui. Colin, je t'avais déjà pensé dernière minute dans les dernières semaines, mais... Ouais, je sais pas. Ce matin, mon café, il était plus long à prendre. Mais il était bon au moins. Délicieux, j'ai acheté de la crème fouettée. Ah, t'es... j'ai redécouvert le Cool Whip récemment et... Tu sais, j'adore ça. Coquin. C'est bon, avec du sirop d'érable. Délicieux. Aujourd'hui, avec nous en studio, trois filles. C'est la journée la plus féminine qu'on a eue jusqu'à maintenant, je crois. Yay! Je vais commencer à ma gauche avec Stéphanie Paradis. Hey, bon matin! Bon matin, Stéphanie Paradis. Tu vas nous faire la chronique Les Petits Bonheurs à 7h30. Ben oui, toujours. Non, c'est pas vrai, pas toujours. Une semaine sur deux. C'est vrai, le résultat, c'est zone campus. Ben oui. Et Les Petits Bonheurs de la vie étudiante aujourd'hui. Oui, Les Petits Bonheurs de la vie étudiante, même si je ne suis plus étudiante, j'ai quand même des petits moments de nostalgie que je vais partager avec vous ce matin. On a bien hâte, vraiment. À 8h, Marie-Pierre Laforge-Bourret est de retour. Oui. Oui, mais pas avec une chronique nécessairement. Tu vas nous faire sûrement un petit quelque chose. Oui, je vais vous montrer une petite chronique pendant l'émission. Ça fait longtemps, puis c'est ça. Tu t'ennuies. Je me gâte et je vous gâte. Moi, je pense que je t'ai contacté à chaque début de session depuis que t'es parti. Ah ouais, il revient. Là, ça s'en vient. Tu m'as tellement comme broyé le bras pour que je revienne. Broyé le bras. Non, mais c'était vraiment le temps parce que moi, je voyais souvent Marie-Pierre, je voyais souvent Mathieu, puis les deux me disaient « Oh, faudrait bien que je réponde à l'autre. » C'est parce que ça fait comme 2 mois, s'il vous plaît, si c'est possible d'arranger quelque chose. Ça fait 2 ans qu'on s'en parle. Ouais. Ben, c'était la faute à part égale à Marie-Pierre et à moi parce qu'on est des lents sur le Facebook. OK, ouais, on va y aller comme Assume-toi, Marie-Pierre. Oui, je m'assume. Assume-toi, Maple Bee. Donc, ça va être à 8 heures. En fait, ta présence est officiellement pour UQTR en spectacle à 8 heures. Ça, on sait que c'est ta tâche principale aujourd'hui, c'est de parler de ta participation à UQTR en spectacle. Oui, c'est exactement ça. Je vais garder ça pour plus tard. Parfait. On s'en parlera tantôt et on recevra Karina Tardy pour en parler. Ensuite, 8h30, Annabelle Maton. Salut. Bon matin. Toi aussi, ça va, hein? Ouais, ça va. Permettant. Toi, tu n'as pas lâché ton, ta criquette. Oh non! Au palmarès, c'est fou, là, c'est passé juste pour mettre Jean-Philippe en contexte. Là. Je l'aime tellement. En fait, je parle souvent au quotidien comme ça, un peu pour niaiser, là. Ouais. C'est charmant, hein? Ouais, comment se partager ça ce matin? Permettant. Mais c'est drôle parce que t'as la voix de criquette, parce que moi, quand la tune d'assemblage requis commence, j'aime bien danser comme criquette. OK. Je pensais que t'allais faire une blague sur des fois la voix du gars de Vespariétaire prend des envois un petit peu à la... Mais moi, j'adore ça. Je trouve ça très, très beau, comment il chante. Mais ma copine a tendance à chanter. Quand elle imite la chanson de Vespariétaire, c'est... c'est pas flatteur, tu sais. Mais moi, j'aime beaucoup la chanson. Donc, je t'aime moi non plus à 8h30, tout ça pour dire que... Ah ouais, on va faire un petit questionnaire sur les expressions du sexe. Ouais. Yeah, un quiz! Est-ce qu'on a besoin de buzzer et de... Mais non. Jean-Philippe est vraiment tombé sous le charme de ton imitation, je pense. Oui. Oui, oui, en effet. Comme tu l'as entendu. Quoi dire de plus? Alors, c'est le temps de l'émission d'aujourd'hui pour les chroniqueurs et chroniqueuses. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de chroniqueurs. Ah oui, David Ferron! Hey! Ben oui, qui va arriver plus tard. C'est pas parce qu'il n'est pas en studio qu'on ne parle pas de David Ferron. Non. Mais. Lui qui a la langue insérée en permanence dans chacune de nos oreilles. Il va être là vers les 8h05-10 pour faire sa chronique. C'est un peu dégueulasse, mais. Ben, tu me demanderas pourquoi il a appelé ça de même. Tu sais, avant, sa chronique s'appelait graines de pivot. Dans chacune de nos oreilles, c'est comme, ouais, mais... c'est comme une langue tentaculaire. Parce que moi, personnellement, j'ai déjà mes écouteurs. Ça rentre plus. T'as des tout petits trous d'oreilles. En fait, les écouteurs sont pas essentiels. C'est juste qu'on sait qu'il y a une chronique comme ça. On se protège. Cache-oreille, l'hiver, ça serait pratique de porter un cache-oreille pendant l'émission. En plus des écouteurs. Donc sinon, autour de ça, on va avoir un petit peu de faits sexy dans la chronique King Sexy Time. Je fais un genre de switcheroo. On change les chroniques de place, c'est pour le fun, pour diversifier un petit peu. Donc King Sexy Time tantôt à 7h et j'allais dire 10, mais clairement, on fait une longue intro aujourd'hui. Donc tout à l'heure. On va débuter avec une demande spéciale de Marie-Pierre Laforge-Bourret, elle qui co-animait Assemblage requis avec moi il y a quelques années l'été. Il y a des lunes. Il y a plusieurs lunes, plusieurs douzaines de lunes. Et t'avais le plaisir de choisir de la musique dans l'émission, c'était le fun. Ouais. Et ça nous manquait d'avoir tes choix et tu nous as choisi du Grizzly Bear. Oui, parce que Grizzly Bear, c'est bon. Rien d'autre à dire. T'sais, est-ce que tu veux nous choisir une pièce tant qu'à ça? La 3. La 3. On écoute Adelma, moi je l'ai jamais entendu, donc je te fais vraiment confiance. On écoute ça à Assemblage requis au 89 FM. La troisième était peut-être pas un bon choix. Mais comme c'est toi qui avais la pochette dans tes mains... Excuse-moi, je te l'ai dit que je te faisais confiance. Donc j'imagine que Adelma, vu que c'est la troisième, elle devait mener, c'est comme une intro, vers la pièce numéro 4. Genre. J'imagine que oui. Donc voilà. La voici Yet Again, Assemblage requis. Yet Again de Grizzly Bear. C'est un choix de Marie-Pierre Laforge-Bourret, etc. Oui. Hey, quel bon choix. Oui, vraiment. C'est bon. Oui. Mais le choix de la chanson 3 est un peu moins efficace, mais il est tôt. On va juste oublier que c'est arrivé. C'était audacieux. Oui, ça prenait du courage pour faire ça, je trouve. Vraiment. Donc, toujours avec Jean-Philippe Charbonneau. Oui. Oui. Marie-Pierre Laforge-Bourret, Annabel Maton, c'est le paradis. Allô. Hey. Maintenant, ben, on va se mettre un petit peu dans le bain pour jeter moi non plus plus tard à l'émission. En parlant de choses sexy, voici Kinky Sexy Time. Et bien sûr, depuis hier, en fait, on l'a annoncé hier, vous pouvez maintenant retrouver une liste sur Twitter avec tous les faits de Kinky Sexy Time et les faits de cet effet, chacune dans leur propre liste sur Twitter. Donc, allez voir twitter.com/askrocky. Quel bon choix! Mais hein, on se met dans le bain. Il y a une petite liste qui s'appelle Kinky Sexy Time avec mes quelques sources. Quand j'en rajoute, ça s'ajoute. Donc, vous pouvez suivre la liste et suivre tous les faits en rafale, même ceux que je n'utilise pas, évidemment. Donc, commençons avec un premier fait. Tiens, parlant de relations sexuelles, l'homme moyen va faire un thrust. Tu sais, un thrust, c'est quoi? C'est un genre de mouvement de va-et-vient. En moyenne, entre 60 et 120 fois parlant de relations sexuelles moyennes. 60 et 120, c'est quand même une grande marge. Ça dépend si la fille s'appelle Marge. Une grande marge. Il se fait une grande marge. Ça veut dire que ça dure vraiment pas longtemps, ça? Pas tant que ça. Ben, je sais pas, ça dépend à quelle vitesse tu vas, là. Non, mais tu sais, je parle pas comme d'un lapin énergisant. Ben, c'est ça, je veux dire, y a personne qui veut de ça. C'est comme le double. Ça peut aller jusqu'au double. Ouais. Ça dépend de la sensibilité. Si tu compares avec, par exemple, le vêtement d'aile d'un colibri, c'est respectable. Ah, c'est ça. Compare pas des pommes et des oranges, là. Ben, c'est des fruits. Ou des bananes. C'est toujours un fruit. Toujours un fruit. Malgré ce que certains des hommes disent, seulement 15% des hommes ont un engin plus long que 7 pouces et seulement 3% ont un engin qui mesure plus de 8 pouces de long. 3%. Bon. Hein? Capoté avec ça. C'est ça. Quand deux personnes s'embrassent, ils échangent entre 10 millions et 1 milliard de bactéries. Ah, ça, yummy. C'est un beau fait. On veut savoir des affaires de même. C'est plus que les yogourts. Ouais. Achète l'oméga 3 dans le. Ah. Si tu veux entretenir ta flore intestinale, suffit de frencher puis de brasser le milieu du corps comme avec dans la pub de Jamie Lee Curtis. Là. Activia. Ouais, Activia. Activia. Bon, t'as senti frenchinal? Ouf. Tu sais, j'essaie de faire un petit mal frenchinal. Wow. Ah. Moi, j'ai apprécié. C'est pas optimal. Pas optimal. L'impulsion de se rendre pour l'homme, OK? Et etc. Ça vient de la... spinal cord, c'est la colonne vertébrale, hein? C'est ça. Donc, spinal cord, donc on n'a pas besoin du cerveau du tout. Donc, tu pourrais ne pas avoir de cerveau du tout, puis tu te rendrais quand même. Bon, on l'a pas tout le temps dit, ça, justement, que, tu sais, l'homme... L'homme, ben oui. Hey, toi? Faites votre image tout seul. T'es fine avec les gars, matin! Ouais, ça fait plaisir. Ça va être tout le monde contre toi. C'est la moelle épinière en passant, pas du tout le colonne vertébrale. Mais pardon, mais c'est un. C'est dedans, fait que. C'est à l'intérieur d'eux, ouais. Donc ça fait partie, c'est comme le nez, fait partie de la face. Hein. Bon, ben c'est ça, comme l'histoire des fruits, là. Ça fait partie du corps, c'est ben ouais, tout. Voilà. Même c'est comme combat. C'est comme canal vie, ça fait partie de la vie. Bon, on pourrait sortir plein d'autres scénarios. Donc, parmi les nobles du 18e siècle en Italie, c'était commun pour une femme mariée d'engager ce qu'on appelle un CICISBEO. C-I-C-I-S-B-E-O, on dirait une chanson de Noël, là, CICISBEO. Donc, une femme mariée engageait un CICISBEO, qui est une escorte mâle, enfin une escorte, qui était aussi son confident et son amoureux. Donc, ils faisaient l'amour ensemble. Ah? À l'époque, c'était normal chez les personnes nobles du 18e siècle en Italie. Seulement en Italie? C'est ça. Je pense que c'est les Médicis qui ont commencé ça. C'est vrai que tu poses tes recherches plus loin. Mais parce que les Médicis, c'est en France. Mais non, je te taquine. Les Médicis, c'est en Italie. C'est Catherine de Médicis qui est Ah, t'as raison. Ouais. Ah, tu vois. Ouais, tu sais, c'est pas parce qu'il n'y a pas tous les faits qu'il n'y a pas le fait principal, c'était ça. Non, je sais. D'accord. Donc, de nos jours, les Grecs ont plus de relations sexuelles que n'importe quelle autre nationalité. Ils sont suivis par les Croatiens. Donc, première position, c'est les Grecs. C'est où, ça, la Croatie? Autour de la Méditerranée. Pousse tes recherches. D'accord. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le priapisme. C'est une érection douloureuse qui persiste après les... Après ça, ça fait mal, ça fait le priapisme. Après le viendu. Elle vient. Ah, ça, c'est bien dit. Je devrais utiliser ce mot-là comme pour me censurer. C'est le prix à payer. C'est, hein? C'est le prix à payer, priapisme. Oh! Merci. 6 millions de personnes vont se faire demander en mariage à la Saint-Valentin. Et combien vont divorcer le lendemain? Le divorcer le lendemain, ça veut dire qu'ils se marieraient exactement. Non, mais pas nécessairement. Non, mais ils vont briser les fiançailles le lendemain. Moi, c'est, mais c'est pas nécessairement les mêmes qui vont divorcer, mais je suis certaine que le taux de divorce est équivalent. Avec la princesse Sissi. Les 6 PO, là? Oui. Je pensais la faire un jeu de moi avec ses 3 PO. Ah, mais tu vois, tu m'as manqué. T'as manqué, t'as raté mon coup. Je sais pas. Me faire demander en mariage à Saint-Valentin, je dirais non. Je trouverais ça trop cliché. Demande-moi demain. Je suis comme, oh, c'est ça. Hier, on peut fêter ça le 14 février à chaque année. C'est cheesy, là. Non. Mais on avait pas dit non, c'est un film, quelque chose comme ça. Je me rappelle jamais dans quel écran je fais quoi. Mais que c'était entre Noël et la Saint-Valentin qu'il y avait le plus de couples qui rompaient. Ouais. Rompaient up. Ouais. Et au printemps, j'imagine que c'est la période où ils s'en forment le plus. Création de la saison du rut. Du rut et de brosseau. Bon. En Thaïlande, les hommes se font offrir des vasectomies gratuitement lors de l'anniversaire du roi. Et souvent, plus de 1000 vasectomies sont performées en son honneur, en l'honneur du roi. Quelle belle journée. Oui. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Vasectomie gratuite. Vive le roi. Vive le roi. Ouais. Les hommes ont plus de chances d'initier, sont plus probables dans le fond, c'est plus probable qu'ils vont initier un baiser avant les relations sexuelles, alors que les femmes, c'est plus probable qu'elles le fassent après les relations sexuelles. Oh, je sais pas. J'imagine que pour les gars, ça fait partie des préliminaires. Pour les filles, c'est comme pour montrer son appréciation de son copain. Je sais pas. Mais c'est vraiment drôle. Mais peut-être parce qu'en général, le baiser pour la femme, ça va être une démonstration de tendresse et non de... Mais là, je parle en général. Je parle pas pour moi du tout. Là. Non, tu parles pas pour la majorité du public qui dirait tendreté, mais qui aurait tort. Hein? Parce que j'aurais eu tendance à... Des fois, tendreté, c'est plus... Moi, je vois un steak. Tu vois, même quand je fais pas d'erreur de français, je dis ce que j'aurais fait comme erreur. T'es tellement honnête. Et... Oui. Ouais. C'est modeste. Un de mes grands défauts. Ouais. Ok, c'est bon. Moi, je voulais pas continuer sur mes défauts. Okay. Moi, non. T'as des défauts? À vous de me le dire. Hein. Écoute, si tu veux enchaîner, vas-y, on peut. Je sais pas, j'espérais qu'on se mette mal à l'aise longtemps. Les prostituées vont éviter d'embrasser leurs clients sur la bouche. D'accord. Pour réduire les chances qu'il y ait un lien d'intimité qui se forme avec la prostituée. Mon gars, j'avais dit intimité, ouais. Tendresse. Oui. Puis c'est pour éviter l'échange de bactéries, on l'a vu tantôt. Probablement. Imagine que... si elle prend les bactéries d'un, puis là, elle oui, donne sûr. À l'autre, puis là... De toute façon, les prostituées consomment déjà assez de yogourt. Oui. Dégueulasse. T'es mon 20e aujourd'hui. Hey, ça a pris quoi, 5 secondes au moins avant que je la comprenne? Je voulais pas, en tout cas, bref. Je me sens violée ce matin. Les femmes qui lisent des petits romans, là, t'sais, cute, genre 50 Shades of Grey. Là. Donc, les femmes qui lisent des romans romantiques comme ça. C'est pas très romantique, soit dit en passant. Érotique. Ok. C'est extrêmement écrit. Mais est-ce que tu parles des. T'sais, érotiques. Des harlequins. Okay, des harlequins, c'est bon. Vraiment pas dans la même gamme, là. Excuse-moi, tu m'en en même temps, ma Pierre? Ben non, c'est exactement la même chose, j'allais dire. Donc, Stéphanie. Tu dis vraiment pas la bonne chose. Come on! Ça dit romance novels. Moi, romance novels, ça veut dire un roman qui a des affaires sexy qui se passent dedans. À l'eau de rose. À l'eau de rose. Ouais, mais c'est ça, c'est pas Fifty Shades of Grey du tout. Quin, mais j'ai-tu l'air d'un gars qui a lu Fifty Shades of Grey? J'en ai entendu parler, bon. C'est un ami. Hein? Moi, je dis pas ça. C'est un ami qui m'a parlé de ça. Appelons-le Tanieux. Donc, c'est quoi, Mathieu? Moi, à l'envers, tout le monde. Mais décris-moi donc Fifty Shades of Grey. D'abord, c'est pas un roman style harlequin. Mais c'est pas harlequin du tout. C'est très cru et sadomasochisme et domination et tout ça dans les harlequins. Là, c'est plus comme ah, c'est Jack. Et c'est comme top model et tout ça. Jack, c'est le nom du gars ou c'est le nom de son? Puis dans les harlequins, il y a toujours comme juste une espèce de ben une scène de sexe là comme pseudo décrite comme pour le tenir ouais, le comme semi censuré ouais, là, puis il y a tout le temps une sœur jumelle. Cool. C'est un peu comme non mais ils couchent pas ensemble là, ils ben, se trompent. Vous en avez donc ben lu. Finalement, c'est un bon résumé, je suis content vraiment pas les avoir lu. Donc, les femmes ouais, ça s'en allait où, ça? Qui lisent des romance novels ont des relations sexuelles deux fois plus souvent que ceux qui ne lisent pas ces romans-là. Et ce fait n'était pas très intéressant, mais quand même. Ça nous a amené une tout belle ça, discussion. Ben, ça vaut pas la peine des fois, mais c'est ça qui est le fun dans la chronique. Les dindes. D'accord, les dindes peuvent se reproduire sans avoir de relations sexuelles. Saviez-vous ça? Moi, je ne savais pas. Hein, comme les fleurs. C'est ça. Ça s'appelle la parthénogenèse. Je le traduis comme à la volée, parthenogenesis. C'est une forme de production asexuelle. Donc, le développement de l'embryon a lieu sans fertilisation, selon Wikipédia. Est-ce que C'est plate. Je préfère le contraire, tu sais, les relations sexuelles sans les enfants que les enfants sans les relations sexuelles. Ouais. Non? Non, ouais, tout à fait. C'est un choix. Moi, je me demande si un sandwich à dinde peut se reproduire. Il ferait deux sandwichs à dinde. Ça pourrait régler, on en apporte un demain. Ça pourrait régler le problème de famine dans le monde aussi. Voilà. Pas penser à ça, hein? Multiplier les sandwichs à la dinde. Ah, à la chasse-galerie, ils pourraient faire la multiplication des sandwichs. Ou tout simplement que la dinde se reproduise elle-même, ça aussi, ça réglerait assez le problème. Bon point. 29 % des Américains ont des relations sexuelles lors du premier rendez-vous. 29 % presque le tiers. Et là, pour une fois que je fais pas de blague en disant que 33 % c'est presque le tiers, tu sais, là, c'est comme ma blague que je fais tout le temps. Là. Ouais, ouais. Là, c'est 29 %. C'est presque le tiers, littéralement. Plate, hein? Okay. Embrasser à la française, donc French kiss, là, ça utilise 34 muscles du visage. Alors qu'un baiser, juste un petit baiser normal, là, ou un baiser de canard dans le miroir, là, ouais, une pix de chick, une selfie, ça ne demande que 2 muscles. Petit bisou. J'ai essayé de le faire à au moins 2 mm du micro. Selon le sex shop de Londres, qui est nommé SH point exclamation, 61% des femmes trouvent que juste l'idée d'acheter un objet sexuel est excitant. Ben oui. Tu l'as déjà fait. Merci. Ouais. Ah, et Annabelle était là. Ouais. Et on était d'accord. Uh-huh. Sûrement. Faudrait vraiment que je réécoute les chroniques au complet. Oui. Au-dessus de 40% des engins masculins sont un petit peu courbés. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Je sais pas. Bon. 40%? 40%. Autant qu'une banane ou... Ah, oh ben là, il n'y a pas le degré de déclinaison de... Un robinet. Un robinet? C'est beaucoup, ça, me semble. Avec la petite gauche au bout comme un hameçon, genre... Yep. Tu peux rentrer, mais tu peux pas ressortir. On est en train de mimer ici des... Ouais. Moi, je m'imagine juste les gros robinets là, de restaurant, là. Avec le ressort. Avec les gros, ouais. Non, mais tu sais, des comme... Tu sais, des... Ça va faire. Ouais, ok, d'accord. Tout ce que je sais, c'est que les robinets sont tout le temps trop courbés vers l'intérieur du robinet, fait que t'as pas de place où mettre tes mains. J'espère que c'est pas la même chose avec l'engin. D'accord. Hein? Ben, c'est comme une espèce de jouet à point G, mais tu sais, perpétuellement, genre. Ouais, ouais. Non. En tout cas. Non, c'est vrai. Ok, est-ce que c'était 40%? Non, je m'en rappelle même plus. 60% des femmes font semblant d'avoir un orgasme juste pour garder leur relation, hein, t'sais, dans le bon moule, finalement, pour garder l'autre personne heureuse. Pour faire que l'autre personne soit heureuse, tu fais semblant d'avoir un orgasme pour que l'autre soit heureux. Bon, 60% des femmes, c'est clair. Ouais, c'est mal fait. Et pour garder son amoureux fidèle aussi. Bon, voilà. Lorsqu'un homme regarde une femme dans les yeux pendant plus de 6 secondes, il révèle son désir d'avoir des relations sexuelles avec, selon une étude. 6 secondes. Oh. Alors que les malaises, c'est 6 secondes. Là, à chaque fois qu'on va regarder genre un homme dans les yeux, on va compter. C'est comme, oh shit, non, pas lui. Non, on fait de la radio, on n'a pas le choix de se regarder dans les yeux. Moi, je ris, mais je vais essayer. Okay. Oh, on va vraiment tester. Ouais, ouais. On va vous revenir. Mais est-ce qu'une femme peut faire ça aussi, je mettons? Je sais pas, ou ça c'est dit juste... pas. Mais regarder 6 secondes dans les yeux, c'est quand même long, hein? C'est vraiment long. Même, ça peut devenir malaisant, je pense. 3 Mississippi, 4 Mississippi, ça. Puis là, t'as l'air vraiment bizarre quand tu le comptes à voix haute en regardant quelqu'un. Ça se peut que ça marche pas, là, dans ce cas-là. Parce que moi, je veux savoir si ça fonctionne, tu sais. C'est juste un souhait ou est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que tu peux vraiment avoir des relations sexuelles après ça, t'sais? Si tu disais à la fille, hey, je t'ai regardé pendant 6 secondes, tu m'as regardé pendant 6 secondes, non. T'as plus le choix. T'as plus le choix. C'est un contrat. C'est comme une entente à la miade, t'sais. Une entente verbale. Wow. Pas que les deux soient au courant, là. Ouais, non. Moi, je trouve que pour un contrat, c'est assez. Je vais faire attention où je regarde. Se mordre la lèvre, ça va amener, okay, chimiquement quelque chose dans le cerveau, ce qui va réduire le stress, oubliez le mot sexe là-dedans. Le stress, l'anxiété, ça va augmenter dans le fond ton humeur, tu vas avoir une meilleure humeur si tu te mords les lèvres. Donc c'est pour ça que pendant le sexe, j'imagine qu'on se mord les lèvres et que ça aide à avoir une meilleure... Ah. Bon. Ok. On s'est tous déjà mordu avant de manger quelque chose. Pas de se croquer la lèvre, le passer au travers puis que ça coule de sang, ça augmente pas l'humeur de la personne. Ça augmente le stress aussi, hein. Bonne humeur, ben, bonne humeur, blablabla. Une personne moyenne va passer environ 20 160 minutes de sa vie à embrasser. 20 160. Je pense qu'on l'avait dit en termes d'années dans une chronique précédente, mais là, on a des minutes exactement, 20 160. Ça fait combien temps, ça. Comment ouais, c'est un peu un stress. Ouais, c'est difficile. 20 160 minutes. Je fais quoi comme calcul, là? Tu sais, par, multiplié par, là, Marie-Pierre, aide-moi, est-ce que t'es bon en maths? Ben, il y a 60 minutes dans une heure. Divise par 60, ça va te donner le nombre d'heures, okay. Je pense. Ça fait 336 heures. Good. Divisé par combien d'heures dans une journée? 24 heures. Donc, ça fait 14 jours. 14 jours, c'est simple. Est-ce qu'on peut revenir en seconde à cette heure? Fais le fois 60. Fois 60. Hey, mais 14 jours en toute ta vie. Fois 60. Ça fait 1,209,600 secondes. Puis en truite, ça fait combien? En truite. L'unité de mesure. Oui, oui. Je sais pas, je vais aller demander sur le grand média social truitre. les hommes plus que les femmes, pour terminer, les hommes plus que les femmes utilisent les baisers pour essayer d'arrêter les chicanes. Quand on chicane, c'est l'homme qui va souvent embrasser la fille pour essayer de calmer et de remettre la bonne humeur. Ben, c'est comme ça. Non, vas-y. Ça me surprend pas, en fait, parce que, tu sais, souvent, l'homme a comme de la difficulté à communiquer, alors c'est comme par les gestes. C'est ça que j'allais dire, ça veut dire ta gueule, mais poliment. Ouais, genre, je sais pas à quel point. Moi, souvent, ça me frustre. Moi, c'est comme, je suis en train de parler, là. Je suis en train de te tomber dans la face. J'ai pas envie que tu m'embrasses. Ouais, mais ils font tout ça à Hollywood, puis ça marche. Dans Harlequin. Oui, c'est ça. Attention. Ouais, mais dans les films de Disney, OK, il y a toujours un prince charmant qui t'attend comme ça roche, tu sais, comme dans Ariel, mettons. Dans Ariel, dans Petite Sirène ou what the. Qui attend dans peu Ariel. Peu importe, là, comme, tu sais, qui vient te chercher avec un soulier en verre, là. Puis. C'est une roche. Sur une roche. La fameuse femme à queue. Ariel, la femme. La chier, mais oui, ouais, mon rêve. Wow. On s'est perdu en cours de route, je pense. On s'est retrouvé. On s'est retrouvé et tous ensemble, partons main dans la main, entendre une pause et on revient. Hein? Yeah. Ça rimait en plus. Au retour, la chronique Les petits bonheurs de Stéphanie Paradis. Yeah. Les joies de la vie étudiante. Yeah. J'ai hâte. Vous êtes assez fou. Vous êtes assez fou. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Toujours à Assemblage requis, l'émission maintenant en pièces attachées avec Jean-Philippe Charbonneau. Oui. Mathieu Plon. Oui. Marie-Pierre Laforge-Bourret. C'est une vedette, oui. Elle, oui. Qui parle. Mais ben, le dernier truc que t'as passé, je me souvenais pas, je l'avais fait. Non. Ah, attends un peu. Ah, j'ai zé. Je suis content. J'étais pas sûr de les avoir. Est-ce que tu vas en faire un live? Live? Oui, parce que j'ai les versions sans musique, sans voix dessus. T'es prête? Tu dis n'importe quoi, tu dis ce que tu veux, tu connais à peu près le texte. Non, mais pour vrai. Attention, go! Mais qu'est-ce que tu veux que je dise, Mathieu? Vous écoutez Assemblage requis. Vous écoutez Assemblage requis. Assez fou. 89.1. Tu vois? T'es pas dur! T'es pas dur! Quand tu sais ce qu'il faut que tu dises, ça va. Ça ferait drôle si tous nos bumpers, nos retours de pause, c'était le réalisateur qui dit à la fille quoi dire. Là, dis Assemblage requis. Assemblage requis! On se croirait dans la fameuse chronique Les commentaires du réalisateur. C'est ça. Ben, il va falloir faire ça, le commentaire DVD, un jour. Le director Scott. Oui. Le commentaire de la diarrhée. C'était trop dur, ça. Diarrhea Scott. J'étais obligé de fermer les yeux. Wow. Ah, comme du sexe. Okay. T'es obligé de fermer les yeux. Oui. Puis je dis tout le temps ça aussi. Ça sort de même, je suis obligé. Donc, avant cette parenthèse, j'ai dit Jean-Philippe Charbonneau, j'ai dit Marie-Pierre Laforge-Bourret, à la belle matin, toujours là. Hello. Et maintenant, c'est la chronique de Stéphanie Paradis. Voici les petits bonheurs. Le bonheur est à la portée de tous, mais rien ne dit dans la housse. Comment s'y prendre? Le bonheur est à la portée de tous, même les moches, même les rousses peuvent y prétendre. Qu'importe que tu ne sois qu'un loser. Cet acteur, banquier, bol de cinéma. Tu vois, cette fois-ci, pendant la chanson, elle n'a pas pointé personne lorsqu'elle a dit moche, lorsque la chanson disait moche, mais elle a pointé Annabelle pour la portion rousse. Fait que ça s'améliore. La semaine passée, c'était moi le moche. Là. Oui, je me suis retenue. Je me suis dit que, je sais pas, je voulais garder une belle relation aujourd'hui avec tout le monde. Et aujourd'hui, on parle des joies de la vie étudiante. Pendant que je siffle. Tout le long de la chronique, même alors qu'il vient de dire qu'il sifflait et que ça sifflait en arrière. Attends un peu, dis que tu vas siffler, OK? Pendant que je siffle. Ça recommence en plein milieu. C'est pas un endroit logique. Donc, les vies étudiantes, il y a des bonheurs là-dedans. Il n'y a pas juste des malheurs et de l'étude et du stressage. Ben non. Donc, comme je l'ai dit tantôt, moi, je suis étudiante. J'ai pris une pause, mais je veux partager mes petits moments de nostalgie avec vous. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je vous présente les petits bonheurs de la vie étudiante. Premièrement, petit bonheur, les rabais étudiants. Oh. On peut pas passer à côté de ça, bien entendu. Donc, c'est toujours plaisant de payer moins cher que les autres pour les mêmes trucs. On s'entend. Et surtout, de le voir concrètement. Comme par exemple, sur des billets de spectacle, on regarde combien ça aurait coûté si on n'avait pas été étudiant. Puis on se dit « Yeah, j'ai sauvé 5$! » Là, je le sais, il y en a certains qui me disent « Ouais, mais quand t'es plus étudiant, t'es moyen de payer ton billet plus cher. » Ben, moi, j'ai une job à temps plein, mais un appartement à payer toute seule. Fait que dans ce temps-là, les rabais étudiants, ça me manque. C'est pas tout le monde qui est en couple depuis, tu sais, 5 ans, mettons. Hein? Ben, ça m'a presque arrivé. Ben ouais. Mais non, donc je suis très nostalgique des prix étudiants. Et pour ceux qui sont déjà plus étudiants, ben consolez-vous, les rabais reviennent à l'âge d'or. Non! Puis oubliez pas aussi, vous pouvez aller demander une carte student price card dans n'importe quelle boutique puis vérifie jamais si t'es étudiant pour vrai. Ah, est-ce qu'on vient d'avoir Mathieu une petite... révèle des secrets? Pas moi. Quelqu'un que je connais. Là, c'est-tu le même qui a lu Fifty Shades of Grey qui t'en a parlé, c'est ça? Ensuite, petit bonheur de la vie étudiante, la vie sociale. Mm-hmm. Donc, être étudiant à l'université, c'est aussi avoir la possibilité de développer une vie sociale particulièrement riche. Donc, t'as pas nécessairement la chance de voir et d'interagir autant de monde en dehors de l'université. Donc, il y a toujours plein d'activités pour tous les goûts. C'est toujours possible de s'impliquer un peu partout. Et notre réseau social s'agrandit constamment. Donc, en t'impliquant, tu peux aussi développer un fort sentiment d'appartenance à ton programme d'études. Puis ça procure beaucoup de fierté, qui est un sentiment non négligeable. Faut que tu parles bien. Ah, c'est beau, hein? Par contre, pour avoir une vie sociale, ben il faut l'entretenir. Il faut quand même passer un peu de temps sur le campus. Si tu fais juste les allers-retours entre tes cours, honnêtement, être étudiant, c'est sincèrement plate à mort, là. Je peux en témoigner, ma première année de bac, c'était comme ça, puis c'est pas comparable du tout aux autres années. Donc, petit conseil, sortir, rester sur le campus, même quand vous avez pas de cours, ça vaut la peine de se déplacer juste pour étudier sur le campus, voir des gens, puis votre vie ne s'en portera que mieux. Ensuite, on a le carnaval, qui est un petit bonheur, et c'est un bel exemple de vie sociale. D'avoir été témoin du carnaval il y a quelques semaines et de pas pouvoir y participer comme jadis, ça fait ressortir de la nostalgie estudiantine. Donc, le carnaval, c'est beau. Le carnaval, c'est la vie. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pouvoir participer dans une ambiance incroyablement festive à des activités farfelues qu'on se permet pas nécessairement de faire dans la vie de tous les jours. Personnellement, je vais jamais dans la neige en maillot de bain, puis j'en vois pas l'intérêt, mais en gang, c'est le fun. J'aurais aimé ça que tu le fasses avec moi, Stéphanie. Ben oui, j'ai tellement choqué, mais c'est parce que je savais que Mathieu serait là pour... Comment? On va encore me traiter de pervers en ondes, c'est ça? Non, je voulais juste dire que Mathieu était là pour... Pour regarder Stéphanie qui prenait des photos. C'est ça. C'était pour l'accompagner, dans le fond. Voilà. Ouais. C'est ma job. Oui, c'est ça. Pas dans mes tâches, mais... Moi, je trouve ça aussi le fun qu'on puisse retirer de la fierté à ramener un vieux Walkman et un poster des Backstreet Boys pour la course aux objets. Parce que honnêtement, il n'y a pas de quoi être fier d'avoir un poster des Backstreet Boys dans son garde-robe ou encore pire, sur son mur. Tu sais, si tu peux regarder la course aux objets, s'il y a de la petite gomme bleue encore fraîche, tu peux... Ou si la bouche est vraiment comme plus fade que le reste de l'affiche. Ça s'en vient un peu pathétique. Je te connais pas, attends que ça. J'ai pas de poster des Backstreet Boys. J'ai cherché, soit dit en passant, il y a 3 ans pour le carnaval. Est-ce que tu avais, c'est des petites affiches que tu connais dans ta case, c'est ça? Non, dans ma case, à l'époque, j'avais un poster de Ozzy Osbourne. Ah bon, ça c'est rock. On s'entend que Backstreet Boys, c'était mon primaire. OK. T'es jeune. Moi, oui. Moi, je suis jeune. Moi, je suis jeune. Toi, t'es vieux. Aussi, le carnaval, c'est un des rares événements où c'est correct de boire à 10h le matin et de porter le même chandail 4 jours d'affilée. Hein? Qui peut se vanter de ça, sauf un étudiant. Ou un gars en camping. Ben, boire à 10h... Ben, du café Baileys avec de l'alcool dedans. Non, mais c'est une bière. À 10h30. OK. C'est ton heure limite, c'est ça? Ouais. D'accord. On apprend à connaître. 10h30. Mais ça dépend. Mais justement, tu parlais de camping. Moi, en camping, je considère que l'heure à laquelle on a droit de boire recule. Donc, le décalage d'horaire de camping. Oui, ben oui. Je veux dire, tu te lèves avec le soleil, donc tu bois avec le soleil. Non, c'est pas ça la vie de camping. C'est vivre en harmonie avec la nature. T'as le droit de boire juste la bière sol, tu sais. La bière qui s'appelle Sol, Soleil, non? Non, je pense que c'est pas un cocktail. Non, non, je pense que c'est, non, c'est une bière mexicaine. Ouais, je... Ah ouais? Ah ben. Sol. Sol. Oh, fait des mauvais jeux de mots quand t'as à boire. Non, c'était des très bons jeux de mots, Sol. Oh, je me sens Sol. Hey, je suis complètement Sol. Wow! Une autre? Ouais, j'ai continué à siffler. T'as pourtant pas arrêté encore. Il est très bon ventriloque. Ouais, c'est vraiment. Beau. Il est habitué d'avoir la main. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Okay. On s'en allait à la même place, je pense. Je pense que oui. Toutes les cheux, mains, mentatés. OK. Oh! Hey, autre petite question. Où sont les criquets? Ah, ben, attends, c'est parce que là, ce qui est vraiment con, c'est qu'il faut vraiment que je fasse mon code. Vraiment non, non, vous n'avez pas le droit de mettre des criquets dans ma chronique. C'est vrai, c'est vraiment ta chronique. Qu'on... Je veux pas de mal. Ça sonne comme tes fesses. Ah, ouais, hier, on a eu un moment intime. Un moment intime où je mettais l'oreille à ses fesses. Hey, je m'excuse, Stéphanie. Je m'excuse vraiment beaucoup. J'ai mal au ventre, là. J'ai mal aux abdos. As-tu déjeuné? Oui, j'ai très bien déjeuné. J'ai mangé 2 rôtis de blé entier avec beurre d'arachide naturel et banane et café truffe chocolat framboise. C'est détaillé, j'ai mangé un rôti de porc. Pour de vrai? Non. OK. Non, vraiment pas. Je trouvais ça trash. Celle-là, je l'ai pas vu venir. Excusez, déjà qu'il déjeune pas, il faut que je fasse un rôti de porc le matin. J'ai parti à la mijoteuse avant de me coucher. Pour déjeuner sur le rôti de porc. Aïe, ah, c'est vraiment un bon public quand t'as ri pour cette blague-là, parce que c'était pas si drôle que ça. Justement, t'as juste mangé des crotons, des rôtis de porc. J'ai pas déjeuné encore, tu sais pas que j'ai pas déjeuné. Non, je sais, mais oui, j'ai mangé le gag jusqu'au bout. J'ai mangé mon café, tu sais. Je sais pas si je pleure ou si je ris. Je pense que t'es fatiguée, chère Stéphanie. OK, donc, petit bonheur de la vie étudiante, avoir un horaire toujours différent. Est-ce que tu veux qu'on aille écouter ta pièce tout de suite? Non, c'est bon. D'accord. Être étudiant, c'est aussi un gage de non-routine. Donc, l'horaire change de session en session, donc on peut organiser nos activités différemment. On peut aussi se permettre des activités qu'on ne pouvait pas faire, par exemple, à l'automne, mais qu'on peut faire à l'hiver et vice-versa. Aussi, avoir des périodes libres dans la journée, ça permet de parfois profiter du soleil, contrairement au job de 9 à 5. Ou encore d'aller magasiner quand c'est tranquille au centre d'achat. Oh, ça, c'est le fun! Tu sais, au lieu d'aller étudier, là. C'est comme, hey, moi, je filerais plus au magasiner. On dirait qu'à chaque fois que tu choisis de prendre du temps pour aller au centre d'achat, c'est tout le temps une journée flottante ou une journée pédagogique. Il y a tout le temps les jeunes. Des enfants qui puent, puis tout. Parce qu'ils ont congé aux 2 semaines, les autres, là, tu sais. Ouais. Là, c'est pas le bonheur, les petits bonheurs de centre d'achat, c'est pour une autre fois, ça. Eh ben ouais. Je te donne des idées de même. Ah, mon Dieu. Ensuite, les vacances d'été. Ça, je pense que tout le monde va être d'accord. Mm-hmm. Toujours dans l'idée de non-routine, ben le 4 mois qui sert de vacances d'été nous change vraiment les idées. Même si on a généralement un emploi à temps plein, ça fait quand même du bien de changer d'air, puis on appelle quand même ça des vacances. On peut aussi être bien baveux et au mois d'avril, aller écœurer les cégepiens qui ont encore de l'école jusqu'à la fin mai. Et ensuite, les jeunes secondaires qui sont pas sortis de là avant fin juin. Ensuite, la bonne bouffe de la cafétéria. Non, ça, c'est une joke. aller à l'université poké ou en jogging. Ah donc, oui, il est trop de jogging à l'université. T'es comme aveuglé par les jogging, il n'y a que ça. Justement, je me demandais, c'est-tu vraiment à mode, ça, des jogging? Non, mais c'est confortable, hein? Moi, honnêtement, même chez nous, tout seul, je suis un peu gênée quand je me mets jogging. Oui, exact. Ouais. Mais j'ai déjà vu pire. Quand j'avais fait un échange étudiant en Saskatchewan, quand j'étais en seconde à 4, les gens allaient à l'école en pyjama. Ça me troublait. J'aurais donc aimé ça le faire, mais j'étais mal à l'aise. J'étais comme, je peux pas faire ça. En combine ou flanellette? Non, mais en pyjama avec des dessins dessus. Wow. Y aller à l'école en pyjama, mais ça me troublait. Tu sais, c'est parce qu'il y a une limite à la paresse à un moment donné, non? Non, mais j'étais tellement jalouse qu'il y ait le guts de le faire. Oui, je veux bien, mais quand même. Mais c'est bizarre que ça soit comme... nous autres, au secondaire, au primaire, on avait une journée par année où on avait le droit de mettre notre pyjama, puis c'était une journée spéciale, là. C'était cool, mais... T'avais ta petite tuque avec un pompon, puis tout ça, alors qu'on dort jamais. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dormi avec ça? Un One Piece. Oui, avec les petits pieds au bout, là. Mais puis la petite fente pour... Au primaire, il y a toujours celui qui enlève sa salopette, puis qui a pas mis ses pantalons. Tu sais, il est encore en pyjama. Tu sais, l'hiver, t'arrives à la salopette. Comme une salopette d'hiver. Pourquoi t'enlèves tes pantalons? Hein? Pourquoi t'enlèves tes pantalons? En fait, je sais pas enlever. C'est que t'arrives à l'école, puis là, t'enlèves tes salopettes. L'hiver. Ah oui. Mais ça fait des décennies que j'ai pas enlevé. Ok, tu veux dire comme l'habit de neige. Ouais, ouais. Puis là, la personne, elle a oublié de s'habiller par-dessus. Mais écoute, ça m'est jamais arrivé. Ben, moi non plus, là, c'est un bon ami à moi. Oui, appelons-le Fangélip. Hey, mais est-ce que je suis toute seule à avoir fait ça? Moi, j'ai entendu dire que c'était un rêve récurrent de rêver que tu arrives à l'école et que tu es nue. Mais non, tout le monde a ça. Est-ce que tout le monde a fait ce rêve-là? Non, je pense que oui. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé. On dirait que c'est comme toutes les sitcoms l'ont fait. Mais je me rappelle pas moi-même l'avoir. Mais pour vrai, j'ai rêvé vraiment souvent à ça, que j'arrivais à l'école, que j'étais nue. Et... Puis comment tu te sentais? Vraiment pas très bien. J'aurais préféré être en pyjama. Et comment moi je me sentais quand tu m'as dit ça tantôt, là, juste là? C'était quoi? Ben, écoute, j'étais au primaire. OK. Ah, ça change la donne. On a un chou. Ça change un peu, hein? Donc, je reviens sur aller à l'université poké ou en jogging. Non, il y a beaucoup d'emplois avec des codes vestimentaires, surtout quand c'est dans le public. Donc, dans les cours, tu peux très bien arriver en jogging, puis il n'y a personne qui va te dire d'aller te changer. Ils vont le penser. Mais il n'y a personne qui va te le dire. Tu peux même arriver le lendemain de veille et pas être attentif du tout. Pis c'est juste toi le pire parce que tu dois assumer les conséquences par la suite. Ou encore, c'est juste une journée normale pour la plupart des étudiants, c'est une blague. Ben oui, mais c'est ça, je veux dire, tu peux le faire. Mais je vois mal un dentiste arriver pour me faire un plombage puis qui a la gueule de bois. Sincèrement, je trouverais ça vraiment poche. Ou même la secrétaire qui t'accueille puis elle a la tête dans le derrière. Le dentiste qui te souffle dans la face avec son haleine de fond. Avec son haleine d'entrée du nez ribauche. Ah ouais. Ah, oh, ça pue dans le pavillon. Ça sent la Robin. Eh oui. Nanananananananan. Batman. Ouais. Robin. La stimulation intellectuelle. Oh. Les cours sont une bonne chose parce qu'ils gardent le cerveau actif en nous faisant apprendre des nouvelles choses, en variant les techniques d'apprentissage et les méthodes d'analyse. Ça garde le cerveau en santé. J'aimais aussi recevoir mes notes de travaux et d'examen parce que j'aime avoir des commentaires constructifs sur ce que je fais. Et j'aime qu'on me dise que je suis bonne. Ouais, hein? Parce que oui, moi, j'avais d'excellentes notes. Fait que pour les gens qui sont pas bons à l'école, ben c'est clairement pas un bonheur, mais désolé, je comprends pas ce que vous vivez. C'est je suis meilleur que vous autres. Les bourses. Oui, les sacoches, non? Non, les scrotums. Oh! Les bourses. Moi, je m'attendais pas à ça. Un petit plaisir, hein? C'est ça. Elle l'a mis en plus. Parle pour toi. Donc, les bourses, de l'argent qui a l'air d'arriver de nulle part pour nous aider à étudier dans le domaine qui nous passionne. C'est-tu pas beau? Hein? Sinon, il y a aussi les prêts, mais ça, on peut juste les apprécier comme les étant apprécier. Un bon. Ben oui, hein, je fais des jeux de mots sans m'en rendre compte. On peut les apprécier aussi sur le moment, mais pour ça, ça prend quand même une bonne capacité à vivre dans le déni. T'es bonne là-dedans. Parce que oui, Annabelle aussi fait dire qu'elle est très bonne. Je suis très bonne là-dedans. Mais donc, moi, j'ai adoré recevoir des prix parce que j'ai une très bonne capacité à vivre dans le déni jusqu'à ce que je vois la facture cet automne. Tu sais, quand t'as à payer ça pendant 15 ans, ça fait mal. Puis j'ai pas fini mes études. Ah. Hey, c'est déprimant pour un petit bonheur, ça. Oui. J'allais dire la même chose. On se connecte, là. Les périodes d'études. Autre petit bonheur. Ça peut avoir l'air bizarre, mais les périodes d'études peuvent être un bon moment si elles sont bien vécues. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir une acolyte exceptionnelle. Donc, je remercie Sarah Pronovo. On a une fan de Sarah Pronovo. Fan club, ouais. Donc, quand t'étudies à deux, tu peux partager tes petits trucs mnémoniques niaiseux. Donc, plus t'es fatigué, plus c'est drôle, plus ça marche. Puis pour vrai, j'ai souvent eu des fous rires pendant mes examens parce que je pensais à ces niaiseries-là. Puis ça a vraiment marché. Ça m'a aidé à retenir tous ces petits trucs-là. Donc, pendant les examens, je riais puis je remplissais les questionnaires. Donc, oui, j'ai passé le cours de psychophysiologie haut la main, qui n'est pas du tout dans mon domaine. Mais j'ai réussi à passer ça grâce à Sarah et nos niaiseries. Donc, malgré tout ça, ben, il y a quand même des moments où je suis profondément heureuse de ne plus être étudiante. Je l'attendais, là. Tu savais, hein? Donc, moi, quand j'arrive chez moi le soir, la fin de semaine, puis que j'ai pas de devoirs, c'est un beau moment. Hein? Ça, c'est... Je sais pas. On dirait c'est comme le rêve. Tu peux l'envoyer chier en onde? À ta guise, hein? Mange un char de mon caca. ou encore, quand j'entends mes amis, je peux vous regarder, les ouais, filles... Quand j'entends mes amis parler de leur travail de session à terminer ou de leur rédaction de mémoire qui avance pas. À ta travaux. Comment? Au pluriel. Non, leur travail de session, moi, je l'ai au singulier. Un travail de session pour un cours, par exemple. Ouais, mais tu sais, en tout, il y a comme des travaux battez-vous pas. Ben, en fait, battez-vous, mais oui. Attendez qu'on sorte le liquide. Le liquide? Le jello. Je savais pas quoi choisir. La boîte. La boîte puis du miel. Puis je savais pas quoi choisir. Du miel? Ouais, mais là. Qui se bat dans le miel? Je veux dire, moi, je me bats dans le jello régulièrement, mais pas dans le miel. Dans une piscine. C'est bon. Bon, mais c'est ça. Donc, je parlais que quand j'entends mes amis parler de tout ça, ben, je suis très contente de ne pas être étudiante, mais je dois pas me réjouir trop vite. Parce qu'un jour, je vais retourner à la rédaction. Donc, en même temps, cette chronique-là, c'est un peu pour me convaincre de retourner finir ma maîtrise. Annabelle, ris-toi. Annabelle me fait un pied de nez, les amis. Pourquoi on dit un pied de nez puis c'est une main clairement sur le nez, ça? Je comprends pas ça. Mais bon. Hein? Merci. Ça fait plaisir. Les remarques sur la vie de tous les jours. Hein? Ben oui, c'est toujours. Oui. Très pertinent. Oui, oui, oui, oui. Donc, pour conclure ma chronique cette semaine, j'aimerais ça vous présenter un artiste de mon patelin Capuchat. Donc, Patrice Michaud, qui a gagné deux Félix au dernier gala de la disque. Donc, le premier, c'est dans la catégorie scripteur de spectacle de l'année, parce qu'il parle et raconte beaucoup durant son spectacle. Donc, dans cette catégorie-là, il a gagné quand même contre Gilles Vigneault, Vincent Vallière, Ingrid Saint-Pierre et Richard Desjardins. Il a fait, soit dit en passant, la première partie de Richard Desjardins dans sa tournée en Europe. Aussi, le deuxième trophée qui lui a été décerné, c'était pour la réalisation de son album Le Triangle des Bermudes. Donc, il était en nomination aux côtés de Cœur de Pirate et Lisa Leblanc. Donc, Mathieu est très content qu'il ait gagné contre Lisa Leblanc. Toujours. Donc, j'espère que vous allez comprendre le lien avec ma chronique. Et on s'en va donc écouter la chanson Cahier Canada de Patrice Michaud. Ce serait pas plus simple de l'appeler Patrice Tiède, justement. Dans ma cabane découpée dans le styrofoam, perdu mon couteau de poche, tant pis, mon mal a caché au fond de sa sacoche. Et vouloir devenir un homme, et puis courir parce qu'on a volé trop de pommes. De fouler mes poches et de passer la journée à tirer des roches. C'est écrit dans un vieux cahier Canada où je retourne quand c'est gris. Dans un vieux cahier Canada. On va chez mamie où la bienvenue s'étend au-delà du tapis. Pour Noël pis toute la patente, et moi couché au creux des manteaux de ma tante. Couché au creux des manteaux de ma tante. C'est écrit écrit dans un vieux cahier Canada où je retourne comme c'est gris. Dans un vieux cahier Canada. Dans un vieux cahier Canada où je retourne quand c'est gris. Dans un vieux cahier Canada. C'était Patrice Michaud et Cahier Canada. Patrice Michaud, que moi j'ai appelé tiède tantôt, ça a laissé justement. Ça nous a laissé froid! Mais qui, somme toute, était quand même un bon jeu de mots. Ouais. Ah oui, on l'a ouais, je l'ai. Je peux m'encourager moi-même. On le rit, mais tu sais, c'est parce que dans notre tête. Non, c'est parce que t'as fermé le micro, c'est pour ça. Oui! Il a fermé le micro, mais on était vraiment comme. On riait. J'ai même un peu pleuré. Moi, je reprends mon souffle à l'instant. Uh-huh. On a ri tout le long de la toune. On s'est fait replacer les côtes. Tout ça. Ben oui, ben oui. Donc, c'est les petits bonheurs avec Stéphanie Paradis. Ben oui, mais c'est terminé. C'est terminé. Ben oui, on a terminé sur une heureuse chanson, Cahier Canada. Ouais. C'est un gars de CAPTCHA. Miaou. Alors, on va terminer la première heure ici. Je sais pas ce que vous en dites, ce que vous en pensez, les amis. Ben écoute, moi, je regarde l'heure, je pense qu'on n'a pas le choix. Tu sais, je veux dire, c'est pas vraiment nous autres qui décident du temps et de... Ben, c'est moi qui décide du temps, jusqu'à temps qu'on manque de temps et que je dois faire un temps soit peu d'effort pour replacer les choses dans un... Là, il n'y a plus d'autres mots que temps, là, je me répéterai. Hein. Ouais. Ben moi, je prends ça en note dans mon cahier Canada. Ouais, c'est facile. Ben, t'es éloigné aussi du jeu de mots que j'essayais de faire en ce moment. Ah, ben, on s'en fout. Je veux dire, si t'es pas capable de la faire tout seul, débrouille-toi. Bon, chacun pour soi. C'est la guerre. Donc, c'est la fin de la première heure. Tantôt, on aura une deuxième heure assez chargée. Merci beaucoup. Alors, on va avoir UQTR en spectacle 2013 avec Carina Tardy et notre invitée Marie-Pierre Laforge-Bourret qui va être là comme représentante de son propre rôle de participante dans le concours. Elle va faire un numéro de danse en studio peut-être, on sait pas. On sait pas. Ça, c'est à 8h. Ensuite, à 8h, 5-10 genre, David Ferron et sa chronique La langue dans ton oreille qui va nous parler d'amour. Amour. Amour. Amour. Amour. Amour. Là, il mime un signe de téléphone, puis il met la langue sur le combiné du téléphone. Je trouve pas ça propre. Ben, moi, j'ai pas envie d'appeler avec ce téléphone-là. Non. Ensuite, à 8h30 environ, Annabelle Maton et sa collègue, j'étais moi non plus. Ben oui. Ça va être ça tantôt. Et puis... On va s'amuser. Je pense que Marie-Pierre va peut-être nous proposer un petit quelque chose aussi. Tout le monde va être là pour l'instant, mais on écoute l'Info Campus. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Oui. Non. Ouais? Non? Attends un tantinet. Je peux attendre un temps. Oh là! Mais je pense que le temps de tantinet veut peut-être dire un temps. Non. Peut-être. Un petit temps? Sois clair, Mathieu. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, pas tant. Top. Voici maintenant votre capsule. T'as pilé par-dessus. T'as pilé par-dessus. Le gars qui parle. Et il parle. Les prochains. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mercredi 13 février 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Merci. Hey, tantôt, je t'ai appelé Pangélippe. Oui. En fait, j'ai appelé quelqu'un d'autre. Pangélippe. Donc, son nom complet serait Pangélippe Avion Mauvaise Huile. Avion Mauvaise Huile. Charbonneau. Avion Mauvaise Huile. Tu fais le contraire. Le contraire. Wow. Hop, c'est Mathieu Desracines. Mais là, Mathieu reste pareil. Desracines. C'est le contraire. Ce serait ton yeux. Mathieu Tailleux. Tailleux. Ouais, Tailleux, Mathieu. Tailleux Desracines. Tailleux Desracines. J'aime ça. Bon. Problème réglé, on connaît nos noms inversés maintenant. Yes. Dans quelques minutes, on va parler avec Karine Tardy, du culinaire en spectacle, et aussi à Marie-Pierre Laforge-Bourret par le fait même. Oui. Oui. Pour l'instant, elle ne fait que dandiner les épaules, même s'il n'y a plus de musique. T'as arrêté la chanson. C'est ça, il n'y a plus de musique. Inconfortable. On écoute Arcade Fire. Voici Rococo. Oh. Oh, oh, oh. Rococo. Oh. Let's go downtown and watch the modern kids. Let's go downtown and talk to the modern kids. They will lead right out of your hand, using great big words that they don't understand. They're singing, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Arcade Fire et la pièce Rococo à Assemblage Rocky, c'était une demande spéciale d'Ala Belle Maton. Ouais, c'est si bon! Tellement, hein? On n'a pas les CD assez fous, on les fait rarement jouer parce que c'est des MP3 pis t'as jamais envie de jouer les MP3. J'ai dû les amener. Ouais, t'es bien fine, ouais, bien fine. Toujours avec Jean-Philippe Charbonneau. Toujours avec Mathieu Plante. Mm-hmm. On a dit Ala Belle Maton, on a dit Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui. Tantôt. Stéphanie Paradis nous a quitté quelques minutes, mais va être de retour tantôt. On accueille David Ferron. Ben bonjour tout le monde, ça va bien? Ouais. Ouais. Oui, merci beaucoup. Est-ce que tu as envie d'insérer ta langue à quelque part? Dans ton oreille? Laissez-moi juste quitter 2 secondes. Okay. Petit changement. L'intro est super bonne. Mais non, c'est pas ça le point. On fait ça, David? OK. J'attendais le message de mon réalisateur. On me glisse à l'oreille qu'on fait David en premier, même si c'était pas le plan. Donc, David, aujourd'hui, tu nous parles d'amour, en fait, je crois, si j'ai bien compris. Je sais pas, là. Je sais pas comment ça... Paraîtrait que, selon les rumeurs, demain, c'est la Saint-Valentin. Oh, mon Dieu, j'avais oublié, pour vrai. Ouais. C'est pas grave parce que la Saint-Valentin, c'est très bien pour ceux qui sont en couple. Et pour ceux qui le sont pas, ben c'est juste un prétexte pour manger du chocolat, puis des bonbons. Puis d'être sans complexe. Mais en fait, je vais vous présenter trois chansons qui présentent l'amour, mais chacune de ces chansons-là a sa manière spécifique de présenter l'amour. Il y en a que c'est l'amour simple, l'amour... on n'aime pas l'amour, et l'autre, c'est l'amour, mais meurtrier psychopathe. OK. Mathieu, t'as l'air d'avoir peur. Un peu, hein? C'est creepy, hein? C'est creepy, oui, creepy. Tout à fait. C'est freaky. Creepy. C'est... C'est moi la tendresse. Non. L'amour sans chagrin. Des mondes et promesses. Un peu plus haut, un peu plus loin. Wow, c'était l'hommage à Ginette Renault. Là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée de la merci part David. De Gustave. C'est tout le temps qu'on avait. Donc, je vais vous présenter d'abord la première artiste. C'est Rokia Traoré. Qui est Madame Traoré? C'est très simple. C'est une Malienne d'origine qui va chanter pour le festival de Glastonbury en Angleterre cette année. Pour ceux qui se topent sur le festival de Glastonbury, c'est quoi? C'est un des plus gros festivals au monde qui accueille jusqu'à 150 000 personnes à presque chaque année. Ça se fait pas toutes les années. Pourquoi? Parce que le festival se fait sur des terres agricoles. Donc, ça se fait sur chez un agriculteur. Donc, pour pas tout foutre à l'air ses récoltes, bien, on laisse la terre en repos. Parfois, comme en 2012, il n'y avait pas de festival de Glastonbury. Donc, ça arrive. Bah, oui, Glastonbury. Glastonbury. Tout. Tout en est fait... une référence que je comprends pas. C'est Huckleberry Finn? Oui. Oui. Ah, ah OK. Non. Je crois que ça sonnait pareil. Oui. En tout cas, si quelqu'un a besoin d'une chanson au thème, et on je suis capable de faire quelque chose de boboche. Fais-nous une démo! Ouais, je vais mettre mes bruits de criquet, je pense. Wow. T'es pas près de toi. Non. Hey, c'est mon nouveau indicatif pour ma chronique. Criquet? Oui. Méchante idée, merci. Donc, pour revenir à Madame Traoré, pourquoi elle va faire ce festival-là? C'est que les organisateurs de ce festival-là se sont dit, eh bien, il y a un conflit au Mali, c'est des islamistes extrémistes qui ont pris le pouvoir et ceux-ci ont banni la musique. Donc, les gens n'ont plus le droit d'écouter de la musique. Donc, pour faire un geste symbolique, les organisateurs invitent à chaque jour, durant le festival, un artiste ou un groupe malien. Donc, Rokia Traoré va faire partie de ce mouvement-là. Et ce que je vais vous présenter, ça s'appelle « Aimer » de Rokia Traoré. Vous allez voir, c'est un espèce de mélange de musique du monde avec la musique traditionnelle. Et une voix vraiment... C'est pas une grande voix, mais c'est touchant. Bon. Il y a quelque chose qui me touche dans les tripes. Je sais pas si ça va faire cet effet-là, mais moi, quand je l'écoute, ça... C'est ça. On va écouter « Aimer » de Rokia Traoré. Tant de questions, d'incertitudes, de convictions, et se dire. Fais-moi, Mila Kili Kanabe. Qui te méprise, qui te met vers la fin à son rythme et se dit. C'était Aimé de la chanteuse malienne Rokia Traoré, tirée de l'album Cha Manche, qui veut dire en français point d'équilibre. Ça, c'est très bien pour une gang de déséquilibrés comme nous. Oui, ça a l'air beaucoup trop zen pour l'émission de matin, je trouve. Mais c'est bon, je sais pas si vous avez aimé la voix de la chanteuse, mais ouais. Petite anecdote pour les amateurs de PJ Harvey. En fait, le producteur des albums de PJ Harvey a produit le prochain album de Rokia Traoré qui va sortir au mois d'avril et qui s'intitule Beautiful Africa. Est-ce qu'il va en faire 15 comme Rocky, son pendant masculin? Hein? Ah, Beautiful Africa 1, 2, 3, c'est 4. C'est ça? Ben parce que ça s'appelle Rokia. Puis là, elle va chanter Adrien. Oui, Adrien! Adrien! Ben, elle a une belle voix pour ça, je trouve. Mm-hmm. Wow! Donc, on sort de l'Afrique et on s'en va en France avec Anaïs. Est-ce que vous connaissez Anaïs, les enfants? Non! Eh bien, voici un petit cours de culture musicale française. Je vais vous parler d'Anaïs. Qui est Anaïs? Eh bien, c'est une artiste assez, disons, déjantée, mais de manière assez jouissive. Et c'est ton mot de la journée, ça, hein? Eh bien, oui. Ça va, Mathieu? Ça oui. va bien tout le monde? Est-ce que c'est Gustave? Mais oui! Ah, Gustave! Bien oui, je suis venu parler d'une de mes compatriotes, Anaïs. En fait, Anaïs, elle a sorti un album live. C'est son premier album. Ça s'appelle The Cheap Show. Et dans cet album-là, comment ça a été produit? C'est très simple. D'abord, Anaïs s'en va faire des spectacles avec sa guitare et une espèce de, comment ça s'appelle déjà? Oui, une pédale pour enregistrer sa voix, pour peser dessus, pour reproduire sa voix. C'est quoi une pédale? Une pédale. Ah oui, c'est un pédale sampler, c'est ce que je cherchais. D'accord. Donc, c'est ses instruments pour faire son spectacle et les gens apprécient, donc ça se fait de bouche à oreille et les gens se disent, c'est fantastique, il faut aller la voir. Et donc, les médias s'en prennent Anaïs de manière très, très élogieuse et elle est invitée dans des émissions de télévision et son album The Cheap Show se vend à 300 000 exemplaires. Et dans cet album, qui qui est en fait un album live. Elle imite Linda Lemay, elle parodie des chansons rap, elle dit qu'elle est prête à crever les pneus de son partenaire pour qu'il reste auprès d'elle, et il tombe sur l'infirmière qui la soigne et elle apprend que c'est la maîtresse de son chum. Bref, c'est un album très, très... il y a plein d'humour, j'adore ça. Et ce qu'on va écouter, ça s'appelle « Mon cœur, mon amour à tous ceux et celles qui sont des célibataires mon frustrés cœur. ». Je vous la dédie. Mon amour, mon cœur, mon amour, mon amour, mon cœur. Ça dégouline d'amour, c'est beau mais c'est insupportable. C'est un pudding bien lourd, de mots doux à chaque phrase. Elle est belle, ta quiche amour. Mon cœur, passe-moi ça là. Et ça se fait des mamours, se donne la béquée à table. Ce mélange de sentiments aromatisés aux fines herbes me fait sourire gentiment et finalement me donne la gerbe. Je hais les coupes qui me rappellent que je suis seule. Je déteste les coupes, je les hais tout court. Mon cœur, mon amour, mon cœur, mon cœur, mon amour, mon amour, mon cœur. Du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du. C'est un épais coulis, ça me laisse le cul par terre. Autant de mièvrerie, nappé de crème pâtissière. Coucou, qu'est-ce que tu fais mon cœur? La même chose qu'il y a une demi-heure. Je t'ai appelé à 5 minutes mon ange, mais ça répondait pas. Alors je m'inquiétais, alors je t'ai rappelé pour la deuxième fois de la journée, en niquant tout mon forfait. Qu'est-ce que tu fais mon adoré? Ouais, je sais, on se voit après. Bon, je t'embrasse fort à mon bébé, hein. Je t'embrasse fort. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Non, c'est toi qui raccroche. Bon. Un, deux, trois. C'était pas raccroché. On va le faire tous ensemble alors. Un, deux, trois. Monsieur Colin. Je hais les coupes qui se rappellent quand je suis seule. Je déteste le couple tout court. Mon cœur, mon amour. Mon cœur, mon cœur, mon amour. Mon amour, mon cœur. Du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du. Alors, c'était mon cœur, mon amour de la chanteuse Anaïs. Donc, pour tous ceux et celles qui sont en amour fusionnel, eh bien, j'espère que vous n'avez pas trop détesté la chanson. Et d'ailleurs, si vous voulez voir une œuvre visuelle d'Anaïs, elle fait, quelqu'un m'a dit, de Carla Bruni, mais Carla Bruni saoule. C'est vraiment marrant. Je pourrais demander à David qu'il le mette sur le post d'Assemblage Requis, si ça vous convient. Sur Facebook, etc. etc. Ben, ou, Oui, parce que David a un Mac et moi j'ai horreur des Macs, comme vous le savez. Alors. Bon. C'est Gustave de la fenêtre. Hein. Gustave la fenêtre, je crois qu'il faut dire. Des fois, j'ai tendance à te donner un titre comme Sa Majesté. Oh, Gustave oui, de la fenêtre. Ça me fait plaisir. Et c'est juste le retour des shows, tout simplement. Et fenêtre pour Windows, parce que tu es un grand fan de Windows. Est-ce qu'on l'a déjà dit, ça? Oui. Windows 8, hein? Mais je voulais sur des affaires. Mais en fait, je voulais m'appeler Gustave Mur parce que j'adore le BlackBerry 10. Mais là-dessus, je laisse mon siège à David et je vais vous parler d'Olivia Ruiz. Qui est-elle? C'est une chanteuse dont les grands-parents sont d'origine espagnole et qui, quand ils se sont réfugiés en France, parce que vous saviez que au 20e siècle, il y avait un méchant bonhomme qui s'appelait Franco qui dirigeait d'une main de fer l'Espagne. Donc, les grands-parents d'Olivia se sont réfugiés en France à Marseillette. Pas à Marseille, Marseillette. Et là-bas, ils ont tenu une espèce de bar, taverne, bistrot. Et c'est là que ses grands-parents habitaient. C'est là qu'Olivia a appris les joies du métier de chanteur ou de la scène musicale. Et en fait, la chanson que je vais vous présenter, c'est la crêpe aux champignons tirée de l'album Miss Météor. Miss Météor, en fait, justement, puisque c'est la Saint-Valentin, j'ai une histoire d'amour triste à vous raconter. Vas-y. Eh bien, il était une fois Olivia et son mari Mathias. Mathieu décide d'écrire et de composer un album ensemble et ça s'appelle Miss Météor. Mais entre 2009 et 2013, les deux tourtereaux se séparent. Non. Oui. Calomnie. Oui, c'est triste. Et habituellement, pour un artiste, une séparation, ça fait toujours des bonnes idées pour un album. Ben, Taylor Swift a fait que ça, je pense, des chansons sur chacune de ses ruptures. Puis elle sort peut-être avec 10 000 gars par jour. À peu près. Fait que, ça en fait des CD. Ça défend le coup d'Actifour. 10 000 par jour. C'est un peu dégueulasse. Juste un peu. Un par jour, c'est triste aussi. Ça, c'était son nombre officiel en passant. Officieusement, je ne sais pas. Mais en fait, c'est ça. Olivia, elle est triste. Elle pleure à Cuba et à Los Angeles pour enregistrer son quatrième album qui s'appelle Le Calme et la Tempête, qui est inspiré de sa rupture amoureuse. Mais on ne pleurera pas, mais on va plutôt être effrayé par Olivia qui nous propose une crêpe aux champignons assez diabolique, un peu comme la pâte au basilic d'Ingrid Saint-Pierre. On écoute ça dans la langue dans ton oreille. Sur les ondes de C'est fou, 89 FM. Depuis 606 matins, 606 jours que les voisins hurlent de leur fenêtre que je dois la boucler. Ils disent que je suis folle, que c'est moi qui l'ai tué, que mes idées s'envolent, que j'ai tout oublié. Moi je sais que c'est faux, pour qu'ils reviennent, je chante haut. Allez, Olivia Ruiz et les crêpes aux champignons à Assemblage Rocky. Dans la chronique La langue dans ton oreille, on remercie David Ferron pour sa chronique. Et on retrouve tantôt, en fait plus tard dans l'émission. Et sa chronique est tous les lundis, tous les mercredis, voyons, à 8h. Lundi, what? Tu vas trouver la semaine courte. Exactement. Donc, on va transitionner vers notre segment QTR en spectacle. Depuis le début de la semaine et pour les trois prochaines semaines, en fait deux et demi maintenant, on reçoit Karina Tardy. Bon matin. Ça va bien? Ben oui. Très heureux de te voir à tous les matins. Comme ça, c'est le fun jusqu'au 28 février qui sera le jour de l'événement. Absolument. On en parlera un petit peu tantôt. Aujourd'hui, notre invitée est celle qui est avec nous depuis le début de l'émission, une chroniqueuse, une fidèle de l'émission, Marie-Pierre Laforge-Bourret. Salut. Bon matin, officiellement. Comme si je venais juste d'arriver. C'est ça. Salut. C'est la magie de la radio. On peut faire ce qu'on veut. Exact. On t'a jamais vraiment présenté dans le cadre de l'émission, même avec tes chroniques. On n'a jamais dit dans quoi t'étudiais. Donc, je veux savoir, moi, présente-toi, tu sais, ton nom, ton domaine d'études, tout le kit. OK. Je m'appelle Marie-Pierre Laforge-Bourret. Ça, c'est dur à retenir déjà. Je vais commencer une chose à la fois. Je fais ma maîtrise en études littéraires, donc en littérature. J'en suis à la rédaction, donc à ma dernière année. OK. Et ton talent, c'est la danse. Oui. Tu fais ça depuis longtemps? J'ai dansé depuis que je suis toute petite. J'ai commencé, j'avais 3 ans et demi. Mais tu sais, c'était dans une école qui était très, très loisir. C'était comme une fois par semaine. Puis le genre d'école que t'as 8 ans, t'es dans le groupe des 8 ans, t'as 10 ans, t'es dans le groupe des 10 ans. Puis c'est un petit peu n'importe quel genre. Mais quand je suis arrivée à Trois-Rivières, j'ai essayé le jazz. Pas que j'en avais jamais fait, là, mais plus officiellement. T'as spécialisé un petit peu, ouais. J'ai essayé le jazz, c'était à l'Astragal. Puis ensuite, depuis 4 ans, ça va faire 5 ans que je suis à Corpus Resus et que je fais de la danse contemporaine. OK, et c'est le genre de numéro que tu vas présenter donc à Écuteur en spectacle, de la danse contemporaine? Oui, mélangé un petit peu avec le ballet que je viens juste de commencer. OK. C'est ça, pourquoi est-ce que tu l'as choisi, ce style-là? Est-ce que c'est celui que tu préfères? Tu préfères ça au jazz? Parce que là, mettons, tu dois les classer, là, ce serait... ça, après ça, le jazz, après ça, le crump, sûrement. Oui, le crump. Comme la fièvre de la danse. Oui, je me sens vraiment agressive quand je fais du crump. Exactement. Non, mais oui, danse contemporaine, c'était juste naturel parce que c'est le style de danse dans lequel je suis plus à l'aise, c'est tout. OK. Et aussi simple que ça. Avec, tu disais que tu étais avec Corpus Resus depuis 4 ans, c'est ça? Ça va faire ma 5e année. 5 ans, OK. Oui. Est-ce que vous faites des spectacles? Est-ce qu'on peut aller vous voir une fois de temps en temps? Cette année, je ne sais pas si on va avoir un spectacle, mais l'année passée, on avait participé à une pièce de théâtre. C'était Les Sorcières de Salem. C'était avec le théâtre des gens de la place, donc à Trois-Rivières. Oui, le TGP. Puis on avait fait l'ouverture d'une de leurs pièces de théâtre. Fait que des fois, on fait des genres de petites prestations comme ça, mais sinon, il y a habituellement un spectacle en fin d'année. Mais je peux pas prévoir cette année s'il va en avoir un. Si oui, quelle date? On se tient au courant, puis de toute façon, je pense que tu vas avoir une petite tribune là, avec une chronique d'Assemblage requis très bientôt. Donc, on va pouvoir en reparler. On va aller écouter une pièce musicale très courte. C'est Snooze d'Atomic Baobab, puis on vient pour se reparler un petit peu, Marie-Pierre, et parler avec Karina aussi. C'était Snooze d'Atomic Baobab, une pièce très courte, mais très, comment dire, efficace. Hein? Pourquoi pas? Efficace, c'est un beau mot, ça? Mm-hmm. Ouais. On est toujours avec Marie-Pierre Laforge-Bourret, une des participantes de QTR en spectacle, et Karina Tardy. Oui. Oui, qui avait une question, je crois, pour Marie-Pierre. Oui, j'ai une petite question. On en a déjà parlé ensemble, mais qu'est-ce que ça te fait d'être une des deux seules filles du concours du QTR en spectacle et la seule danseuse, en fait? Ça me fait un peu drôle parce que je me souviens, j'avais déjà fait du QTR en spectacle, je pense que ça fait 3 ou 4 ans. Puis j'étais en duo avec Sarah Pronovo, qui est l'amie à Stéphanie aussi. L'amie de tous, en fait. Puis cette année-là, on était 3 groupes de danse. On était 3. Il y avait comme une fille qui faisait un solo. Il y avait moi et Sarah qui faisaient un duo. Puis il y avait 3 filles qui faisaient du baladi. Il y était 3. Donc okay. Un trio. Puis je sais pas, cette année, je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait comme d'autres personnes qui fassent de la danse. Mm-hmm. Mais Non, c'est ça, quand j'ai vu la liste de participants, j'étais comme, quoi? Je suis toute seule de filles. Mais non, c'est ça, j'ai su qu'il y en avait une autre. J'étais comme, ouais. OK. En duo avec un gars, ouais. Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est surprenant qu'il n'y ait pas beaucoup de danse à mes auditions. T'as été la seule, en fait. OK. Ben, la scène n'était pas nécessairement appropriée. Pour ça, j'ai entendu dire que la scène était petite. Ouais. Et que Marie-Pierre... J'ai foncé dans le mur. Il a fallu que je recommence en plein milieu parce que, je sais pas, j'ai eu peur de taper avec ma main un meuble. Fait que tu te concentres sur merde, mais est-ce que je vais frapper le meuble? Fait que tu sais plus ce que tu fais. C'était une petite scène. C'est comme si je voulais faire une danse comme ici. Ouais. Dans un studio qui mesure comme 3 mètres cubes. Ouais, c'est ça. Ouais, mais les auditions étaient au pavillon Michel Sarrazin, là, la salle Rodolphe Mathieu. La salle tamisée. Ouais, c'est pas une immense scène, là, effectivement. Ouais. Mais bon, tu vois, ça n'a pas été un point négatif contre toi. Tu l'as eu. Bravo. Donc, on lui souhaite bonne chance. Bonne chance à Marie-Pierre Laforge-Bourret. Bonne chance. Et puis on la retrouve ici à Assemblage Rocky une fois de temps en temps. On va confirmer l'heure et le jour, mais elle va être de retour comme chroniqueuse comme elle l'a déjà été. Karina Tardy, on te retrouve demain. Oui. Et il nous reste un dernier participant demain. Est-ce que tu te rappelles du nom? Oui, demain c'est Michael Grenier en humour cette fois-ci. Oh! C'est ouais. Joke! Ouais. On va voir qu'est-ce qu'il a préparé pour la Saint-Valentin. Ouais. C'est difficile un peu à l'émission. On est à la radio, évidemment, donc on ne peut pas demander à Marie-Pierre de faire une danse. Ouais. Je peux en faire une, mais vous verrez pas. Vas-y. Ben là, si je bosse trop, je parlerai plus dans le micro. Exact. Elle a dansé sur la chanson thème de l'Assemblage Rocky Tombe. Oui, c'est vrai. Faut du talent pour ça. Bon. Donc, merci, Karina. Merci, Marie-Pierre. Merci à vous. Merci. Voilà. On va continuer avec... qu'est-ce qu'on faisait? On passait en pause. Oh, facile. On doit prendre une pause. Bon, le temps file. On a Annabelle Maton tantôt avec sa chronique. Je t'aime moi non plus. Restez là. C'est fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le plan de demain à Assemblage requis. Maxime Bilodeau rend sa chronique d'une foulée à l'autre sur la culture sportive. On va nous parler de l'adaptation corporelle. Jasmine Raymond-Réville de la GEQR avec les actualités et les activités de la GE. Et finalement, François Landry avec sa chronique politique. Le Vocassie 101, c'est demain 7h à Assemblage requis. Soyez-y. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Encore une autre occasion de la faire en direct par Marie-Pierre Laforge-Bourret. Ouais. Hein? Elle l'a l'affaire. Elle connaissait la phrase tellement parfaitement qu'elle l'a dit mot pour mot sur le même ton et sur les mêmes notes de la chanson. J'ai une bonne mémoire, hein? Bravo. C'est un talent. C'est un talent. Donc oui, toujours à Assemblage requis et toujours avec notre ribambelle de gens, on a Stéphanie Paradis. Oui, je suis revenue. Oui, tout à fait. T'étais où? Ouais, c'est louche un peu, là. Jean-Philippe Rabonneau. Oui, je suis là. Co-animateur. David Ferron qui est toujours là, qui partage apparemment le micro de Marie-Pierre, mais bon. Et Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui. Toujours Mathieu Plante aussi. Oui. Mathieu Plante aussi, t'es là. Oui, merci. Et parlant de... Oui. Salut. Salut Annabelle Maton. Belle façon d'introduire ta chronique, n'est-ce pas? Ah ouais? Voici Je t'aime, mon enfant. Je t'aime. Ah oui. Je t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus. Bah. Moi non plus. Moi non plus. Je vais et je viens. Entre tes bras. Et je me retiens. C'est le moment qu'on attendait tous, donc je t'aime moi non plus, la chronique succès. Ah ouais. De la belle matin. Oh ouais, ben oui. Hey, ce matin, on joue. Ce matin. Yeah. Ce matin. On joue aux fesses. Non, j'ai le mot de matin. Hein? On joue aux fesses. Ben presque. Yeah. C'est un quiz? Ben oui. Cool. Parce que là, j'ai lu dans Le Devoir un super article. Ben, c'est une femme, Agnès Pierron, qui a fait un dictionnaire des mots du sexe, qui a recueilli comme tout... toutes les expressions, mettons, pour parler de la fellation, du coït. En tout cas, je trouve ça très drôle. Puis là, il y a plein d'expressions, puis je me suis dit que ça serait comme tellement comique de faire ça en onde. J'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Ça, comment est-ce qu'on procède? Ben en fait, je vous nomme l'expression. Et quelqu'un? Quelqu'un répond, okay. tente sa chance. Chacun sa sorte de buzzer. Vous décidez vous-même qu'est-ce que vous voulez comme buzzer. Ouais. On va tester d'ailleurs, Stéphanie. Pouette. OK. Jean-Philippe? Pouelle. Marie-Pierre? Ouais. Hein. Oh. Et moi, ce sera Squeak Squeak. Oh. Oh. Okay. T'as envie de fromage? Oui, hein. Ben, entre autres. Oh. Hey, j'ai faim. J'aurais pas dû dire ça pendant cette chronique. Qu'est-ce que t'as dit, David, si tu dis évidemment plus proche du micro? Finalement, je joue pas. Tu joues pas? Ben, je sais pas. Hein? Un ouin-ouin? Ouin-ouin. C'est difficile à deux micros, je sais pas si on va réussir. En fait, c'est dur à un micro à deux personnes. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Ah oui, tout à fait. Ça fait ton. OK. J'ai quasiment oublié le mien tellement qu'il y a eu des bruits. Toi, c'est pouette. OK, merci. Pouette. Poil. Poil. Ouin, hein? Meux. Squeak, squeak. Bon. OK. Oh là, les micros. Les bas en marche. Parlant de meuglin. OK. On va parler de l'abattage. Être à l'abattage. Qu'est-ce que ça veut dire, être à l'abattage? Pouette. Être marié. C'est dans le vocabulaire de la prostitution. Ça renvoie au travail d'une fille qui a de nombreux clients. Grosse vache! Dans le fond, ouais. Grosse vache, mais non, mais c'est comme si elle les abattait à la chaîne, tu sais, comme plein d'hommes en érection. Oh, tac, tac, tac. Ah. Ouais, travailler à la chaîne, ouais. C'est comme la McDo du sexe. Oui. Puis dans le même. C'est de la grosse boulette. À peu près dans le même vocabulaire, faire l'abattage, c'est rechercher une clientèle nombreuse sans se soucier de la qualité dans le vocabulaire des prostituées. Puis maison d'abattage, c'est le bordel. Où se pratique l'abattage? Belle place. C'est charmant. Oui, c'est charmant. Ils sont un peu traités comme de la viande. Hein? C'est... Elle pourrait quasiment s'appeler Ronaldo comme dans Ronald McDonald. Ouais, micro. Elle pourrait quasiment s'appeler Ronaldo comme dans Ronald McDonald. Qui ça? Ou Donald? Ok, on vient à McDonald's. Oui. Est-ce que t'as des criquets, Jean-Philippe? Ça aurait été utile. Je suis tellement nerveux, j'arrive pas à faire mon code. Oh non! C'est ça, il faut pas que t'aies un code. Qu'est-ce que t'as caché, là? Malade. Ok. Il est nerveux, il est tout en sueur. Ouais, c'est l'enfer, mais j'ai perdu 10 livres. Hey, allonger le berlingot, ça vous fait penser à quoi? Squeak, squeak, vas-y. Être en érection? Non! Ah! Droit de réplique, droit de réplique. Ah, on a pas droit de réplique. Ouais, il n'y a pas droit de réplique. Ouais, squeak, j'avoue. Squeak, squeak. Ouais. OK. J'allais dire que mes deux choix, c'était soit... Ouais, quand je ris moi-même de mes blagues, c'est qu'ils sont pas très drôles. C'est soit berlingot, OK. C'est soit un gars qui vient beaucoup... Un berlingot complet. Ou encore, le faire à quelqu'un qui a un tout petit engin, donc comme une paille que t'insérerais dans ton... Oh! C'est cute! Oh. Mais non, mais c'est ça, c'est faire un cunnilingus. Mais je comprends pas. Alors, mais moi, regarde, il y a des trucs... Je comprends pas. Ça, c'est une autre chronique pour débutants, ça, je pense. Hein? Mais je trouvais approfondis tes recherches. Ouais. Mais je trouvais les réponses à Mathieu plus pertinentes. Mais c'est assez régional comme expression. Là. Mettons, comme nous, on emploie des trucs, puis partout dans le monde, ils feraient comme « What the fuck? » On s'entend, on rappelle que les deux filles, Annabelle et Stéphanie, sont toutes les deux de Cap... C'est ça? T'es bien de... Non, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est une autre amie. Je te confonds avec une autre. Toi, t'es de où? Hein, ben, du Cap de la Madeleine. C'est un autre cap! Mais à chacun son cap. J'ai un peu. Ouais, ça, c'est le cap, là. Tu sais ce que je me suis fait dire quand je suis déménagée au cap? C'est comme, tu manquais de cap. Fait que tu passes d'un cap à l'autre, exactement. Mm-hmm. Non, mais tu sais, le Cap de la Madeleine, c'est comme... En tout cas. Ouais. C'est un jeu de mots sur... Se le faire allonger. Marie-Pierre? C'est exotique, le Cap de la Madeleine. Mais hein. Quand pas sûr. Le seul bar de spectacle là, qui a comme l'allure, c'est genre le stage. Mmh. En passant. Puis tu sais, c'est quand même cool, mais... C'est le même exotique. Moi, je trippe, c'est latino, puis c'est capino. Capino. Les campino. Capino. Campino, les petits bonbons. Oui. Se le faire allonger. Se le faire allonger. Répondre à son spam. Le berlingot? Hein? Non, mais c'est comme on reste dans le vocabulaire allongé. Tu sais, on est dans les A. Squeak, squeak. Ouais. Allongé. Qu'est-ce qu'il y a dans un café allongé? De l'eau. Crème. De la crème, voilà. Je sais pas, ça a sûrement un rapport avec le sexe. Ben oui, c'est se faire faire une fellation. Ben oui, ça a rapport avec le sexe, Mathieu, voyons. Ben donc. Là, il est perspicace. Hey, il a l'air de rien, mais... Ça roule, dans ce petit cerveau-là, ça roule. J'ai compris que ça coule. Moi aussi, je... Ça coule dans notre petit cerveau. Oh wesh, la crème. La crème. Mais de la crème, moi, excellent. Oh mon Dieu. Centre friqué. Poil. Est-ce que j'ai le droit à un appel téléphonique à un vos parents? Un appel téléphonique. Un appel? Non. Appel c'est quoi? Rappelle-moi ça. Centrifugé. Centrifugé, faire l'amour. Fourré. Pour l'argent? Oui. Centrifugé. Pourquoi pas? Hein? Payable, tu sais, carte de crédit. C'est 30 jours, mets ça dans ce lot. Ouais, c'est ça. Oh, mon Dieu, t'es tellement vulgaire. La carte, évidemment. Mais non, c'est une manière de s'aimer pour deux femmes. C'est, ils se frottent, ils font les ciseaux. Oh, ah! Ben oui. Mais ouais, c'est entre friquets. Parce que pour l'idée, monsieur me dit, si jamais, mettons, la fille avait une gonorrhée, ben la carte passerait plus. Si la carte passe plus, ça veut dire que la fille... C'est dégueulasse. Ça. Ah! Marie-Pierre, je te confirme, je te prête le micro en permanence et s'il y a quelque chose à dire, demande-lui si c'est pertinent. Et après ça, passe-lui le micro. Ou bien les criquets tout de suite. Oh my God. Oh, je suis tellement content de cette application-là. Ah, mais ça. Garde-la. Elle était gratuite? Oui, oui. Gardée pour toujours? Jusqu'à midi. Si vous avez un iPhone. David t'a volé ton téléphone. Je suis pas sûr que je ferais confiance. Il va l'échapper. J'ai un code. Il fait semblant d'échapper à terre puis il va vraiment l'échapper à terre. Hey, pour ça. Le mot nœud. Nœud! Nœud! Nœud! Né. Baiser à s'en faire péter le nœud. ça veut dire quoi? Fouette. Okay. Ouais. L'anus. Non, même pas. Squeak, quoi? Squeak. Je te jure. Squeak, squeak. Faire l'amour avec un cochon. Il y a un nœud. Oh mon Dieu. Non, c'est pas ça. C'est comme, c'est coïteux sans modération. Le nœud est en équivalent du pénis. Donc pas de tire-bouchon. Ah, comme les nœuds, comme, mettons... T'sais, en bateau, c'est comme... Uh-huh. OK, fait que 20 nœuds, c'est 20 pénis. Non, c'est un homme avec un fort, grand pénis. Oh, wow. 3%. On l'appelle. Des gens ont un pénis en haut de 8 pouces. Oui, c'est ça. Comme l'a dit Mathieu plus tôt. En haut de 8... Ça. Je m'en rappelais même pas, t'sais. Moi, je fais pas mes recherches. Hein. Dans la catégorie postillon. Crastillon aussi. Postillon. Postillon. Genre. Femme fontaine, poêle, grumeau. Non, mais postillonner, ça veut dire quoi? Ça, sexuellement, c'est difficile à expliquer. Là. Je sais pas, c'est t'as oublié de dire squeak-squeak? Ouais. C'est squeak-squeak, on pense. C'est un gars, tu sais, éjaculateur précoce, mais à petite dose. Comme si tu postillonnais de là. Il est paresseux du venu. Viens-du. Soyez polis, on t'a radio. Oh. C'est pour ça, viens-du. Ouais. En tout cas. Ça non, c'est branler l'anus avec le doigt, tout en cas, il t'a... Hey. Après ça, il faut que je dise viens-du. Hein? Ça, c'est des termes médicaux. Là. Hein? Des termes médicaux, anus. Mais non, mais c'est ça, mais tu sais, viens-du, c'est pas très médical. Pas tellement. T'sais. Non, c'est vrai. C'est ça. En tout cas. Ouais. Il est où le postillon? Hein? Faire ouais. Postillon. Faire postillon, c'est... Okay. C'est fantasmé sur Serge Postigo. et Cendrillon qui ferait un couple. Postillon. Oh non. Mais non, c'est pas ça. Grillon, s'il vous plaît. Oui. Je la trouvais bonne, moi, pour je pense que je le laisse ouvert. Comment? Faire postillon, c'est jeu érotique qui consiste à introduire un doigt dans l'anus tout en branlant le clitoris. Bon, voilà. Elle avait expliqué tantôt, t'avais juste pas. Mais ouais. Mais non, j'avais pas expliqué. Mais non. C'était comme. Ben oui, elle l'a dit, mais j'ai pas demandé c'était quoi. J'ai une question. Je comprends juste pas le rapport avec le postillon. Marie-Pierre. Ouais, d'où est-ce qu'ils viennent ces expressions-là? C'est dans quel pays? Est-ce qu'on le sait? Ouais. Ou Dans quel pays? Je te dirais que c'est comme pas mal généralisé. Je pense que l'auteur s'est promené. Ouais. Ça dit pas la région spécifique non, à chaque c'est ça. C'est ça qui est un peu triste. Mmh. Ouais. Mais c'est très drôle. Oui. je vais employer ces mots-là maintenant. Postillonne-moi, s'il te plaît. Ah, mais c'est là que quelqu'un fait un oral en avant et dit « Ah, oh, tu sais, désolé pour les petits postillons. » On parle pas d'oral, là. Petite présentation. Ah, mais là, j'aurais pu jamais ces affaires-là de la même façon. Là. Je comprends ta définition du mot oral. Serrurier. Être bon serrurier. Qu'est-ce? Squeak-squeak. Hey, ouais. Je vais prendre toutes les réponses. Allez-y. Je veux pas avoir tout le pointage à faire. Être un bon serrurier. Ouais. Ça, poêle. Je dirais s'introduire partout. Ben, en fait, c'est vraiment très proche. C'est ça. Squeak-squeak. Moi, j'aurais dit que c'était être fait l'un pour l'autre, un peu comme encore une fois Cendrillon, son soulier fitait parfaitement. Non, comme la sœur. Il y a l'engin qui fit non, exactement mais dans poil le... Non, mais poil était plus près, la réponse. Poil était plus près. Plus près de l'arrêt, tu veux dire. Non, c'est être bon baiseur. Et l'explication, parce qu'il sait bien ouvrir les serrures, le sexe de la femme, et qu'il sait bien limer. Limer! Ah! Oh, c'est cute, hein? Oui. Ouais. Oh! Le petit chose et les deux orphelines, à quoi ça vous fait penser? Quoi, disons ça? Le petit chose et les deux orphelines. Ben, pouette, c'est le membre masculin. Ouais. Le pénis et les deux testicules. Ouais. Ce qu'on appelle la saucisse et les petites patates. Mais oui, c'est un petit peu moins miam, déjeunons. Oh mon Dieu. En tout cas, il donne par la baguette ce qu'il reçoit par le tambour. Il donne. Essayez-vous. Dites quelque chose. C'est quelqu'un, squeak, squeak, quelqu'un qui s'est fait donner la fessée, quelque chose comme ça. Fessée. Meurs. Un tambour. Ouais. Meurs. Il donne par la baguette ce qu'il reçoit par le tambour. Meurs. Ouais. Non, c'est pas genre une relation. Parle le micro, David. Ah, oui, c'est vrai. Micro. C'est pas une relation où t'es versatile autant que t'es derrière, par devant, non. Ah, peut-être, ouais. Non. Ah, oui, comme donner ou. Presque. C'est comme des homosexuels qui aiment autant donner que recevoir. Ah, ben, c'est ça? Ah, ouais. Ah, okay. Oh, c'est flip cool. Flop. Oh, c'est le beau, c'est comme ça. Mais c'est cute, c'est qu'il donne par la baguette ce qu'il reçoit par le tambour. Oh, c'est vraiment t'sais? Beau. Solo drum. Un point pour moi. Tu sur ton set? Ouais. Non, mais hier, on a eu une très belle chronique sur un gars qui fait du pouet-pouet sur des fesses. Oui. C'était une chanson complète faite sur des fesses. Oh oui, il faut que j'aille écouter ça d'ailleurs. Et sur la page Facebook d'Assemblage Rock. Ouais. Elle est crachée au nez de l'huître. Craché au nez de l'huître? Ouais. Poil. Oui, ouais. J'imagine. Ben, venir, le gars, il vient. OK, on va... Je vais mimer. Je vais essayer d'expliquer de façon plus claire possible. OK, OK, oui, donc, attouchement... Le gars, il vient exactement là. Comme là. Sur le sexe féminin. Dans le... Ouais. Alors qu'il est dans le fond à l'extérieur. Sur. Oui, sur. Et non dedans. Dans le fond, il y a une pluie, une averse très centrée. Sur oui, c'est très local. Très localisé, d'accord. Oui. C'est ça, c'est bien ça. C'est éjaculé en dehors du vagin. Yes! Aïe, il est fort. Est-ce que c'est nécessairement sûr ou seulement à l'extérieur? Ben, en dehors, tu sais, ça suppose un coït interrompu. J'imagine que le gars, tu sais, se retire extrêmement rapidement puis il vient comme en dehors partout. Du vagin, mais sûr, là, comme partout. T'sais, dans le périmètre autour, là. Ouais. Wow. On aime ça, à l'attente. Oh, on aime vraiment ça. L'attente, c'est ça. Ça fait durer le plaisir. Ah oui! Oh. Je me fais plus. Mettons, autour du mot poisson, je trouvais ça bien drôle. Oh boy! Ouais, faire des yeux de poisson frit. avoir les... T'as buzzer. Vas-y. Ben, je vais donner un élément de réponse. Tu sais, un poisson frit, ça n'a pas les yeux globuleux, comme vides. Peut-être. Avoir une mauvaise relation. Oui, oui. Je dirais, quand tu le fais avec une personne, tu t'ouvres les yeux puis c'est pas la personne que tu penses. Ah, peut-être. Oui. Ah. Et squeak, squeak, on va avoir trois choix de réponse. Squeak, squeak. Moi, je dirais que c'est quand tu te trempes l'engin dans la friture. Mon Dieu. Oui, fouette. Moi, je pense que c'est la face que la fille fait quand le gars se trompe de trou. Non! Mais non, c'est juste jouir. Ah. Oh, c'est plate. Ah. Avaler le poisson sans sauce. Qu'est-ce? Squeak, squeak. Ouais. Tu fais un oral en cours. Oui. Tu fais un oral. Et puis le gars, il se rend pas jusqu'à la fin de son oral. Il s'endort. Il vient pas. Oh, voilà. Être baisé par un homme qui n'éjacule pas. Oh. Bravo, Mathieu. Wow. Il est full bon. Mon anal. Ah, merci. Oh! C'est vrai que mon analogie était très bonne. Oh. Là, je trouvais ça très drôle parce que se masturber le cerveau. Écoutez, Assemblage Rocky. C'est une référence à quoi? Pouette? Ouais. Juste comme fantasmer? Non. Je pensais que ça serait comme plus évident que ça. Hein? Se masturber le cerveau? Ouais. Pour les hommes. Se crosser. Voilà. Wow, tu vas pas par quatre chemins, bébé. Ben oui, mais ça le dit clairement, masturber. Non, mais se masturber le cerveau, c'est comme. C'est pour l'homme, c'est genre. Ouais. Comment? Ok, pour l'homme, c'est comme se masturber. On se contient. Non, mais le sport, la crosse. Ah oui. Mais c'est parce que les gars ont pas le cerveau à la même place que les filles, là. Ouais, non, c'est ça, on l'a dit justement tantôt dans le Kinky Sexy. Yep. Il y a une heure de ça. Une fille folle de son corps. Une douche baguette. Une douche bague, c'est ça. Mais t'as pas dit. Non, je te laisse. Squeak. J'ai pas voulu. Quelqu'un veut s'essayer? Parce que c'est pas la bonne réponse. Ah, c'était pas ça? Tu connais ça? Ben non, elle l'a dit. Ah. Personne? Mais quelqu'un. Oui. David? Comment? Ouais, c'est vrai, micro. Comment? Il dit meurt dans le micro puis il enlève le micro. J'ai aucune coordination. Mais c'est pas une fille qui fait une crise d'épilepsie au moment du coït? Non. Ben, c'est en fait, c'est une infomane. Nymphomane. David, es-tu capable de te frapper sur la tête et de faire des ronds sur ton ventre en même temps? Es-tu capable, juste pour savoir? Non, tu vois, non. Il se tape sur le ventre puis il tourne sur la tête. Okay. Non, même pas. Il fait comme des tournis frappés. Des tournis frappés? Oh my God. Puis il tape sur Jean-Philippe. Oui, sur sa tête à Jean-Philippe. En même temps que la sienne. Waouh, c'est beau. Hein. Oh, ça semble tellement agressant. Un avant-dernier. Oui, vas-y, vas-y. Oui, avoir les couilles grasses. Bon, l'affaire de friteuse tantôt, ouais, tu es d'accord? Oui, quand même. Ben, tu sais. OK. Fait que toi, tu t'essayes avec ça. Squeak, squeak, ouais. OK. Pouette. Pouette? Ouais. Que ça fait comme trop longtemps que t'as pas eu de relation et que tu as besoin de vider. Voilà. Ton sac. Yeah! Voilà! Mmh. Je tiens à dire que Stéphanie est à côté d'Annabelle qui a le livre. Oh. Non, mais je le tiens. Accusation, quand même, accusation. Oui. Je le tiens quand même loin, puis tu sais, les pages. Je t'écris tellement petit. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, okay, d'accord, j'ai de la misère à lire à l'endroit, je vais pas lire à l'envers. Je ne sais pas lire. Oh mon Dieu. Je termine avec le filet. Qu'est-ce? Le filet. Filet. Oh. Je sais pas. C'est la cerise sur le sundae, ça. Ben oui. Vas-y, Marie-Pierre. Ça a rapport peut-être avec la bave. Peut-être, ou peut-être... peut-être que... Des fois, ça en reçoit. Squeak, squeak? Ouais. C'est comme à la cafétéria quand ils portent un filet sur leur tête pour avoir le poil. Pouette. C'est pas tout simplement la région féminine, comme attraper un homme dans son filet. Non, même pas. Comme un poisson, on disait tantôt. Le filet, c'est le frein. C'est comme... ce filet-là! Oui! Filet-là? Ce filet-là. Est-ce que vous voulez une citation du Marquis de Sade pour terminer? Ah oui, ça va être beau. OK, ça va être classe, là. Une citation du Marquis de Sade. Oui. Vas-y. Décalotez bien cette tête rubiconde. Ne la recouvrez jamais en polluant. Ça voulait dire en caressant. Tenez-la nue. Tendez le filet au point de le rompre. Dans la philosophie, dans le boudoir. Oh, wow. Ouais. Est-ce que c'est la prochaine citation dans le zone de campus? Peut-être, dans le petit coin que personne ne regarde en dessous du logo à gauche de la page 2. Ouais. Ce serait bien smart. Ouais, Stéphanie, tu prends ça là. Ah, ben, je vais voir, c'est peut-être un peu long. C'est un bien beau livre, en passant. Il a l'air à ça, il t'en reste plein d'autres qu'on pourra faire une autre fois, peut-être. Ça serait vraiment chouette. Ben ouais. Oh, ouais. Cool. Absolument. Annabelle Maton et la chronique Je t'aime moi non plus, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Qui voulait qu'on entende une chanson? Je pense qu'on va entendre du... Young Rival. Du Young Rival. Parce qu'ils sont en spectacle ce soir, au Zi. C'est le Zénob. Au centre-ville, bien sûr. À côté du manoir, l'ancien manoir du Spaghetti. Quelle chanson est l'ancien? Ou tout simplement sur la rue Bonaventure. C'est rendu juste le manoir. Oh. Devant le sacristain, là. Ouais, exactement. Pour ceux qui connaissent le coin, ça. Quelle chanson on a entendu de Young Rival? Je sais pas, je me souviens pas des titres. J'ai donné trois choix. C'est I Don't Care, Black Is Good et I Don't Care. I Don't Care. On écoute I Don't Care de Young Rival en spectacle ce soir au Z. Et puis on vient après pour la conclusion de l'émission. Restez là. Young Rival! Et I Don't Care, Assemblage requis, c'est une pièce dans le fond du groupe qui va être en spectacle ce soir au Z. Ouh. Le Zénob, en ce mercredi 13 février, c'est à quelle heure, 20 ans? La première partie est à 20h30. 20h30 et le groupe principal, Young Rival, c'est à 21h15. La première partie, en passant, c'est The Damn Truth qui a fait son entrée sur le palmarès anglophone. Donc, tant mieux. Hein? Oui. Félicitations. À eux, on les écoute pas de temps en temps ici, assez fou. On va se quitter avec une autre pièce de Young Rival qui sera Night Song. Voilà. Alors, merci tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire, pour commencer, Stéphanie Paradis. Ça fait toujours plaisir. Rédactrice en chef du Zone Campus, on la retrouve pour parler du Zone Campus la semaine prochaine. Oui. Annabelle Maton. Salut. Merci beaucoup pour ta chronique, je t'aime moi non plus. Ça fait toujours plaisir. Tous les mercredis à 8h30. Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui, je suis contente d'être venue. Je suis contente que tu vas rester jusqu'à la fin, malgré ce que tu pensais faire, tu penses t'en aller avant. C'est le fun que tu vas rester. Et on peut annoncer que tu vas commencer une nouvelle chronique. On n'a pas encore confirmé la date, mais. La semaine prochaine. La semaine prochaine, mercredi, à la place de David Ferron, à 8h, parce que David Ferron va être aux deux semaines. Oui, parce que dès jeudi prochain, dans le cadre de l'émission Le Palmarès, c'est fou, je vais réciter la chronique Brancher le monde, où ce que je vais présenter des artistes de partout dans le monde qui sont fort prometteurs et qui valent vraiment la peine d'être connus ici au Québec. Et tu vas faire ça les jeudis en alternance. Tu vas faire le mercredi Assemblage requis et l'autre semaine, Les Palmarès, c'est fou, le jeudi. Exactement. Voilà. Si on vient à Marie-Pierre, tu vas nous faire une chronique cinéma, c'est bien ça? Oui, mais ça va peut-être varier de semaine en semaine. Okay. En fait, aux deux semaines. La semaine prochaine, ça va être une chronique cinéma. Cool! Ouais. J'ai très, très hâte. J'ai hâte de te revoir à l'émission. Jean-Philippe Charbonneau, merci évidemment à toi. Merci beaucoup, Mathieu Plaud. On se retrouve tous les jours. Ça faisait plaisir. Ben, toi, ça te fait toujours plaisir. T'as l'air d'un gars qui aime ça se donner du plaisir. donc, à demain, 7h. Oui, voilà. Demain, à l'émission, on aura la chronique de Maxime Bilodeau. En passant, j'ai son texte ici. On va faire le tour d'une thématique qui, faute d'un terme juste qui lui rendrait pleinement justice, se résume en une seule et unique phrase. Le corps s'adapte. Plus spécifiquement, on explorera le tout en nous penchant sur quelques-unes des différentes et innombrables manières que notre corps met en œuvre pour s'adapter, ainsi que sur les répercussions profondes que ce processus ininterrompu a sur notre vie de tous les jours. Le tout assorti d'exemples concrets triés sur le volet pour leur potentiel évocateur. C'est donc un rendez-vous demain à 7h30. On aura Jasmine Raymond-Rainville de la GEQTR aussi et François Landry avec sa collègue de politique. Bon, est-ce qu'on a tout dit? Je vais peut-être ramener mes criquets. Oui. J'aurais aimé que tu les aies apportés demain pour terminer l'émission. Mais je peux comprendre que ton passe est dur à retenir. Hein? Tu veux que je là? Oui, j'aimerais vraiment ça. Ah, ça aurait été tellement parfait en plus, la toune arrêtait. Ben, elle vient d'arrêter, fait que c'est un malaise, donc il faut les criquets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a tellement de choses. Tantôt, quand Stéphanie est partie. qu'est-ce que j'ai d'autre? Elle était bonne, hein? Il y a plein de choses qui servent absolument à rien. Tu peux faire un stand-up avec cette question. T'as pas de micro, David. Il y a un truc qui s'appelle Vuvuzela. Non. Oui! OK. On vote? On est 2, 4, 6? Oui, vas-y. OK, on y va. Ça va être le dernier. OK, on peut pas finir là-dessus, c'est trop mauvais. Il faut finir sur une bonne note, l'émission. C'est okay, normal, à la radio, tu finis sur une bonne note. Tu commences sur une bonne note, tu finis sur une bonne note. OK, mais on va... j'ai une idée. Okay. On va essayer de trouver un nom à ce bruit, parce qu'il s'appelle point d'interrogation. C'est comme un genre au hasard, il en choisit un. Non, c'est un son pas identifié. Personne ne sait ce que c'est. D'accord. Ouais. Fait que, on va trouver un nom pour ça, puis on va le dire demain. Oh. Demain? Là. Marie-Pierre. Moi, tantôt, j'ai dit que c'était Annabelle qui pile dans une flaque d'eau avant de rentrer dans la voiture. C'était exactement le même bruit. Pareil. Oh, c'est beau. Hey, merci, gang. À la prochaine. Bye, bye. À demain, criquet. Bye. Oh, Jérémy Criquet. Oui.